Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, la cyber-émission qui va au bout des cyber-jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Cyber, bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Comme j'arrive toujours en dernier, je peux pas faire la blague de Max parce qu'on a la même idée, donc cyber, salut, voilà. Alors messieurs, on se retrouve, ça y est, c'est le dernier épisode de Fin du Game de 2022. Une nouvelle page se tourne, une année qui se termine, voilà, une année absolument incroyable pour le jeu vidéo. Je ne sais pas, mais voilà, une bonne année pour Fin du Game, ça s'est bien passé. On est plutôt heureux de ces deux saisons qui s'overlappent comme ça, qu'on a passé avec vous en 2022. Merci énormément déjà de nous avoir écoutés, parce qu'on a sorti d'ailleurs les petits récaps Spotify. Les là, on a vu tout ça. Là. Les chiffres sont là, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, donc merci énormément. Et puis merci à toutes celles et ceux qui font le choix de nous soutenir sur Patreon. Je rappelle que le lien est dans la description. Si vous voulez nous donner nos petites étrennes, voilà, pour la fin d'année, Un petit chocolat fiducier dans nos chaussettes, vous pouvez le faire. Il a du vocabulaire, ce jeune homme, hein, c'est incroyable. Écoutez, bon, on est animateur, on n'est pas animateur, tout simplement. Donc merci énormément, voilà, le Patreon. J'en profite, puisqu'on parle du Patreon, que la blacklist, vous le savez si vous nous suivez, qu'il y a cette blacklist, on est en train d'y réfléchir. D'habitude ça arrivait fin d'année, là on fera ça début janvier. Bon, on a décidé d'arrêter après cet épisode, de se reposer. Voilà, y a des gens qui doivent se déguiser en Père Noël, tout ça. S'est mis aussi un peu sur Panthéon, on a pas mal réfléchi à ça, on a eu le troisième épisode là récemment, et du coup même si on a déjà quand même une idée assez claire de ce qu'on va vous proposer pour la blacklist, on vous en reparlera plutôt courant janvier. Est-ce qu'on fera un petit événement en direct du Stade de France, enfin voilà, on ne sait pas, tout on est possible. Alors le Stade de France, voilà, je pense qu'on peut commencer à enlever les mises dessus, ça ne marchera pas. Et puis ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que voilà, on est en route vers la centième. Oui. Il est possible qu'il se passe des choses en 2023. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Par contre, ce que je peux dire également, c'est que merci Sony, merci le PlayStation Plus, c'est le sponsor de cet épisode. Je le rappelle, le PlayStation Plus, c'est cet abonnement qui vous permet d'accéder à différentes ludothèques en ligne. Il y a le PlayStation Plus Essential qui vous donne accès aux jeux en ligne et aussi à des jeux offerts tous les mois. Il y a le PlayStation Plus Extra qui lui vous donne accès à une bibliothèque de jeux triés sur le volet, et le PlayStation Plus Premium qui lui vous donne accès à une bibliothèque moins triée sur le volet, puisqu'il y a beaucoup plus de jeux, il y a des classiques et aussi l'accès à des démos de jeux, dont celui dont il est question dans cet épisode aujourd'hui même, Cyberpunk 2077. 2 ou 3, peut-être même 4 heures de plaisir. Je crois que c'est 5 heures, j'ai regardé un petit peu sur Internet. 5 heures de plaisir au cœur de Night City. Voilà, ça, c'est accessible si vous êtes sur le PlayStation Plus Premium. Et puis, à noter aussi que là, ce mois-ci, il y a la Mass Effect, la Legendary Edition, qui est arrivée. Voilà, si vous êtes des amoureux de Mass Effect, comme ici, autour de cette table, vous pouvez retrouver le jeu de BioWare est disponible. Voilà, on remercie le PlayStation Plus de sponsoriser cette émission et de nous aider à passer sereinement en 2023. D'ailleurs, voilà, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes, exactement. Peut-être que vous êtes là dans les transports pour rejoindre votre famille, peut-être que c'est votre belle famille, et auquel cas, eh bien, désolé. courage à vous. Soutine, on est pense à vous. On est ensemble, voilà, on va passer une petite heure et demie. Rassurez-vous, nous aussi, ça sera nul. Non, ça, moi, pas de belle famille. Oui, moi, c'est la vraie mif, donc tout va bien. Moi, je suis pas très confiant. Très bien, on va pouvoir passer au jeu du jour. Je l'ai dit, c'est Cyberpunk 2077. J'ai noté dans le conducteur, trigger warning, cette émission est réalisée par des professionnels, ne faites pas ça chez vous. J'embrasse évidemment tous les gens qui nous rejoindront sur le Discord après cet épisode. Nous serons évidemment prêts à vous accueillir. On va écouter un petit morceau de musique. Un petit morceau de musique qui est de cyberpunk ou qui n'est pas de cyberpunk? Alors non, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Hyper qui a été repris dans le tout premier trailer qu'on avait vu en 2018, qui est devenu vraiment, je pense, la musique un petit peu iconique. Et j'avais aussi glissé un petit peu de musique de Cyberpunk Edge Runner, qui est la série Netflix. Donc voilà, je laisserai DJ Cybermax faire son cyber choix. Cybermax 2000, si vous voulez. Cybermax 2000. Faire le choix. On se retrouve juste après ça. We'll be right back. Cyberpunk 2077. C'est sorti. Tout est relatif. Bref, c'est arrivé normalement dans le monde le 10 décembre 2020. C'était sorti sur PC, c'était sorti sur PlayStation 4 et Xbox One. Et puis, on reviendra dessus, mais ça a été retiré de... En tout cas, c'est sorti sur PC. Voilà, c'était disponible sur PC. Et puis, c'est sorti le 15 février 2022 sur PlayStation 5 et Xbox Series. Donc voilà, normalement, on peut jouer. C'est revenu d'ailleurs 6 mois après, je crois. C'est revenu en juin 2021. Ah oui, sur le store PlayStation 4. Ouais, c'est PlayStation revenu 4, après. Voilà. Et sur Xbox, il y a toujours été. Donc, ouais. Il n'y a pas eu de... On reviendra de toute façon sur cette sortie fabuleuse. Mais avant, on va quand même revenir un petit peu sur CD Projekt. Alors, on avait déjà fait un épisode sur The Witcher 3, donc on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails. Mais juste pour rappel, qui sont ces gens, à part que ce sont des Polonais? Bah, c'est effectivement, c'est un bon point de départ. Donc, c'est des Polonais qui ont vraiment grandi dans l'après-chute du bloc communiste et qui, du coup, se sont, éveillés à tout un tas de nouvelles choses. Et notamment, c'était des gens qui, dans les débuts des années 90, ils voulaient distribuer des jeux. Donc, ils ont fait ça. Ça leur a permis de se rapprocher avec BioWare, notamment, et de localiser Baldur's Gate en polonais à l'époque, avec même un doublage vocal et tout, parce que le papa de Marcin Iwiński était acteur, etc. Enfin, bref. Vous pouvez réécouter tous ces petits détails passionnants dans l'épisode de The Witcher. Et ils ont notamment voulu développer leur propre jeu. Ils avaient notamment en projet de faire une version PC de Baldur's Gate Dark Alliance. Qui était la version hack and slash de Baldur's Gate. Ça s'est pas fait, mais c'est pas grave parce qu'ils avaient vraiment pris goût au développement de jeu et donc ils sont partis vers quelque chose qui à l'époque ressemblait à Diablo, plus ou moins. Ils étaient un peu restés dans ce type de caméra. Démo même d'un des deux fondateurs du studio, c'était de la merde. Littéralement, c'est ce qu'il a dit. Ouvrez les guillemets, c'était de la grosse merde, fermez les guillemets. En polonais, Kurwa. C'est en russe. Kurwa, c'est le putain slash merde polonais, tu sais, quand ils font merde. Hein, c'est parce que du coup, je l'avais entendu en russe, je crois. Mais bienvenue dans Fin de la langue. C'est les gens qui ont joué à Counter-Strike une fois dans leur vie se sont déjà fait un Maxime cité était en deux russe. Semaines en Pologne. Ouais, je parle Kurwa. Ok, très bien. Et donc, ils ont finalement lâché cette histoire-là. Ce qui est cool, c'est que BioWare était toujours en bon terme avec eux, donc ils leur ont laissé une licence de leur moteur qui s'appelait Aurora, et ça leur a permis de développer The Witcher, qui est sorti dans un état assez discutable, on va pas se mentir. C'est les projets, pendant longtemps ils étaient connus pour améliorer leur jeu, on va dire les affiner grâce à ce qu'ils appelaient les Enhanced Edition. The Witcher 1 et The Witcher 2 ont eu le même traitement, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment eu une énorme mise à jour qui changeait pas mal de choses et qui corrigeait le truc. Et ça sort en 2011 pour The Witcher 2, ça marche bien. Tu vois, ils commencent à se faire un petit peu rentrer dans le mainstream, tout à fait. Ils avaient quand même un petit peu un truc. On avait cité l'anecdote dans l'épisode Witcher 3, mais Witcher 2, c'est le jeu qui est offert à Barack Obama par le premier ministre polonais. Oui, c'est vrai que ça faisait partie des trucs qui était aussi un jeu qui était sorti des développements extrêmement difficiles à chaque fois. Et le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens de chez CD Projekt, c'est des gens qui sont ambitieux. Et donc, juste après avoir fait deux jeux qui étaient sans plus, ils se disent on va faire un énorme open world. Et donc, ils sont partis à développer The Witcher 3, qui a connu le succès qu'on lui connaît. Parce que là, maintenant, on est à plus de 40 millions de copies vendues. Ça en fait un des plus gros RPG jamais vendu, a priori. Oui, en tout cas, il a dépassé Skyrim. Oui, tout à fait. C'est vraiment un phénomène, Skyrim, et ils ont réussi à aller au-delà. Et dans la foulée, le succès de The Witcher 3 a vraiment propulsé le studio CD Projekt en haut au firmament. Moi, j'avais appelé mon bouquin le nouveau roi du RPG. Avec le recul, c'était peut-être un peu, c'était peut-être encore un le peu le trône un petit peu usurpé. Mais c'était ça comme ça qu'on le ressentait à l'époque. Ils marchent sur l'eau, les mecs, en 2015. Et puis même en 2016, 2017, avec les extensions Blood and Wine aussi. CD Projekt, c'est vraiment fait un nom. En plus, ils jouissent d'une image très, très, très positive auprès des joueurs. N'oublie pas le petit leaflet dans la boîte. Merci de jouer à notre jeu. Merci, vous êtes gentil. Voilà, l'OST. Les petits taquets à tous les DRM, ça c'était leur gros truc. Nos DLC, ils sont gratuits. Patati. C'est eux qui ont GOG. Anti-DRM. Donc voilà, vraiment, c'est des projets. En tout cas, après The Witcher 3, c'est ça. Mais pour revenir à Cyberpunk 2077, c'est un jeu qui, lui, alors la première fois est annoncé en 2012. C'est en 2012, ça 10 ans il y a déjà. C'est juste après la sortie de The Witcher 2, en fait. Donc il y a une réunion des actionnaires, parce que il faut savoir que comme c'est une entreprise qui est cotée en bourse publiquement, ils font tout leur bilan de manière publique. Ouais. Et ils organisaient à l'époque une espèce de petite réunion, tu les vois sur une petite scène et tout. Et donc Marcin Iwinski annonce The Witcher 3, la production, et surtout il fait monter sur scène un type qu'on n'avait pas revu depuis pas mal de temps, qui s'appelle Mike Pondsmith, qui est donc l'auteur du jeu de rôle Cyberpunk 2013-2020 Red aujourd'hui, sur la dernière version qui est la version jeu de rôle. Et donc il lui dit, bah voilà, moi j'étais un grand fan de jeux Cyberpunk quand j'étais ado, et on va faire un jeu Cyberpunk, voilà. Et donc ils annoncent ça vraiment en grande pompe, hein, à l'époque, en disant, oui, ça va être un truc énorme, open world, machin bidule. Et en 2013, on a ce fameux teaser avec, ouais, la femme androïde avec des lames, qui est en petite tenue, avec des balles, du verre qui explose de partout. Il y a du archive derrière en musique, voilà, et c'était, tout. Enfin, c'était la révélation, ça y est, on allait avoir ce jeu-là. En tout cas, c'est à ce moment-là que le jeu, la petite graine de Cyberpunk 2077 se met dans l'esprit des gens. Bon, en revanche, ils bossent sur The Witcher, puisque de toute façon, voilà, The Witcher 3, c'est 2015, et puis après, il y aura Blood and Wine, donc le jeu va quand même être mis au frigo, dans le bassin, avec des glaçons comme ça, mais avec quand même une cinquantaine de personnes qui vont essayer de bosser dessus, prototyper. Et puis, c'est après Blood and Wine que la machine va vraiment se lancer dessus, et qu'ils vont passer à plein régime sur le développement de Cyberpunk 2077. Et je m'attarde juste sur le pourquoi en fait ils ont mis ça au frais, parce qu'en fait ils voulaient le faire à la base, hein, Witcher, ouais, 3 et Cyberpunk en parallèle, mais Witcher 3 a pris une taille, une ambition qu'ils n'avaient pas prévue au départ. Et ça rappelle un petit peu dans les réalités de développement, on en avait parlé dans l'épisode de Uncharted 4, on disait Naughty Dog, ils voulaient faire Uncharted, ouais, 4 en parallèle de Last of Us et de l'extension, et finalement non, ils n'ont pas pu, il y a juste pas assez de gens, trop de scope, trop de taille, le planning était pas bon, et donc ils ont rapatrié trop de gens, et c'est une histoire qui s'écrit souvent, quoi. Ouais, sachant que pour The Witcher 3, pardon, le studio CD Projekt a déjà énormément grossi, hein, ça leur, ouais, a demandé énormément de flexibilité, et ça leur a pris pas mal de temps à s'adapter à cette nouvelle taille, parce que c'est devenu un studio massif, et ils ont encore subi un truc similaire de recrutement massif pour Cyberpunk. Du coup, comme on l'a dit, en fait, le développement commence pour de vrai juste à la fin de Blood and Wine. Là, ils mettent vraiment toutes les forces vives là-dessus. Et ça va pas forcément extrêmement bien se passer, ouais, ça va être vraiment un développement particulièrement complexe. On a eu beaucoup de récits qui sont sortis tout au fil des années. Il faut savoir que de toute façon, CD Projekt était sous les projecteurs depuis pas mal d'années, notamment grâce à des commentaires sur un site qui s'appelle Glassdoor, qui permet, ouais, en fait, de manière anonyme, à des personnes qui travaillent dans l'industrie de noter les entreprises dans lesquelles elles bossent, les studios de jeux vidéo. Et donc, on savait que chez ces projets, on en avait peu de doutes, mais voilà, on sait que c'est vraiment des bourreaux de travail, ouais, et qu'ils bossent comme des gueudins, mais parce qu'ils ont des ambitions de toute façon qui sont dévorantes. Sachant que il y a des ambitions qui ont quand même été revues un peu à la baisse par rapport à Cyberpunk, c'est-à-dire que il y a ce passage déjà de la troisième à la première personne. Bon, ça a été fait, mais ça a été compliqué parce qu'ils sont sur le même moteur qui n'était pas forcément prévu pour. Il y a le fait qu'ils avaient au départ prévu du multijoueur. Au final, ils ont mis ça de côté. Et puis surtout, après The Witcher 3, ils se sont dit, le jeu, il est quand même vachement long. Peut-être qu'on va aussi réduire la taille du jeu avec des ambitions qui étaient plus resserrées sur Cyberpunk 2077. Et ça, c'est sûrement des leçons tirées de Witcher 3, parce que le jeu, en vrai, en ligne droite, Witcher 3, il est très long, même pour un open world. Oui, c'est genre 50 heures, ouais, ouais, parce qu'après, il est très scénarisé aussi. Et ils ont dû savoir, tu vois, ils ont dû se dire, en fait, si The Witcher 3 avait duré 30-40 heures, ça aurait pas été un problème, et du coup, on peut effectivement ne pas faire un jeu qui dure 60, quoi. Mais ça, dans des interviews, il l'explique, en fait, hein. Donc, quand vous jouez à un jeu vidéo et que vous êtes connecté à Internet, quand vous cliquez sur accepter au départ, ce que vous faites, c'est que vous donnez accès aux data de votre jeu, et donc ça s'appelle la télémétrie, et en gros, on peut mesurer ce que font les gens, donc toutes les actions les plus anodines ou quoi, mais surtout, ils ont des pourcentages très précis du nombre de gens qui vont aller au-delà de la première quête, de la deuxième, qui vont finir le jeu, etc. Et clairement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait en fait beaucoup de choses dans The Witcher 3 entre guillemets pour rien, puisque une grosse partie des gens ne le verront jamais. Tout à fait. On l'a dit, donc beaucoup de problèmes de développement. Voilà, ça parle. La phrase qui revient, c'est cette idée de qu'ils voulaient en même temps fabriquer un train et fabriquer les rails pour poser le train. Voilà, ça a été extrêmement compliqué de développer ce jeu. Bon, on reviendra dessus de toute façon tout au long de l'épisode, parce que c'est un jeu qui a vraiment des ambitions qui sont très différentes. Il y a un gros changement de setting, mais aussi de core gameplay par rapport à The Witcher 3. Les 3C, ils changent. Exactement. Donc c'est un. un overtake, vraiment un gros changement pour un studio, et c'est pas souvent que ça se fait, donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'étonnement sur la qualité du développement. Quoi. Et petit détail qu'on peut donner justement sur cette idée de, pour expliquer pourquoi ils disent qu'ils veulent fabriquer le train, donc qui est le jeu vidéo, en même temps qu'ils posent les rails, qui est donc le moteur sur lequel ils vont le faire tourner, c'est que donc historiquement, ils me développaient sur un moteur qui s'appelle le Red Engine, qui était de très loin le moteur Aurora BioWare, mais qu'ils ont remis à leur sauce, et en fait, en même temps qu'ils ont développé Cyberpunk, ils ont développé tous les outils qui leur permettaient de faire le jeu Cyberpunk. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, en même temps qu'ils étaient en train de développer ça, ils développaient le moteur, parce que ça n'a pas changé que les 3C, c'est-à-dire que donc c'est la caméra, les contrôles et le personnage. C'est-à-dire qu'ils ont dû refaire tout un outil de scripting pour les personnages, les dialogues, tous les outils de mise en scène pour les séquences à la première personne, le système de shoot, puisque du coup, c'était un jeu avec des armes, donc d'un coup, il fallait avoir soit de la physique, soit de l'e-scan. Voilà. Enfin, du hit scan, des trucs comme ça, la conduite, bref, tout un tas de systèmes qu'il n'y avait pas dans les anciens jeux. Et comme tu l'as dit, c'est très rare en fait que des studios fassent des bonds de géants ça aussi violents. En général, les studios vont plutôt itérer et petit à petit, voilà, augmenter. C'est pour ça que beaucoup de studios ont tendance à faire des suites, parce que ça leur permet d'améliorer les choses, mais d'y aller, on va dire, étape par étape, quoi. Sachant que le jeu, on a dit, il a commencé en 2016, il est sorti 2021, donc en 5 ans à peu près. 2020, environ 4 ans. Donc ce qui est court par rapport aux ambitions qu'ils avaient, quoi. Oui, parce que on sait maintenant, les développements de jeux sont de plus en plus longs. Oui, 4 ans, ça nous paraît court. Après, c'est pré-Covid, enfin presque pré-Covid. Donc s'ils étaient tombés en plein Covid, je pense que le jeu serait pas encore sorti. Très bien, ça c'est sur la partie développement, donc voilà, galère. En revanche, la campagne marketing, elle, il n'y a pas de souci, elle a vraiment battu son plein jusqu'au bout. Alors, on a déjà parlé des différents teasers qui ont été diffusés en 2012-2013, mais on n'a vraiment plus entendu parler du jeu jusqu'en 2018. Là, c'est vraiment en 2018 qu'on va avoir de nouveau, ça y est, la campagne de com qui se met en place. Il y a déjà un premier teaser, trailer cinématique, et puis il y aura aussi cette grosse séquence de gameplay de 45 minutes où on est avec Machin Pendejo, on fait des missions en ville, etc. Machin Pendejo, Jackie. Non, mais parce que je me souviens vraiment de ce sentiment où, tu sais, ils avaient mis, tu vois, ils avaient un petit bouton accent espagnol, caricature hispanique, ils avaient mis à fond, tu vois, le mec disait un mot sur deux en espagnol, alors que t'es là depuis 100 ans, tout le monde parle anglais, arrêtez. Et il s'avère que c'est le prologue, en fait, tu vois. C'est tout à fait le prologue. Du coup, c'est une des missions qu'on fait au tout début du jeu, qui nous avait montré. Donc ça, c'est en 2018, ça se sera montré aussi à la presse, etc. Tout le monde est très très impressionné par cette séquence. Peu de le dire. Ça y est, le jeu, il est passé, c'est le jeu le plus attendu d'ores et déjà de l'univers. Il y a beaucoup de choses qui sont montrées qui sont d'ailleurs même plus dans le jeu, mais à ce moment-là, il est très attendu. En 2019, on a le fameux épisode avec Keanu Reeves qui arrive sur scène et qui fait son Yo Breathtaking. Donc là, ça y est, le jeu, il prend une aura encore différente, c'est devenu culturellement, c'est en train de devenir quelque chose sur l'internet. Keanu Reeves, à ce moment-là, il est au top, en fait, vraiment, tu le dis, culturellement, il est en plein John Wick. Ouais. Je crois que le 2 est sorti, ou peut-être oui, sur au le moins, point de sortir, au moins, enfin, ouais. Bref, mais il y a la petite John Wick mania, mine de rien. Et même, on se le disait entre nous, sur internet, Keanu Reeves, c'est un moment aussi, plein de gens parlent de lui, il aime beaucoup, tu as plein de témoignages, a priori, c'est un mec formidable en vrai, je sais pas, mais il y a ça. Et y a aussi, aura, c'est surtout que c'est Neo, c'est-à-dire que Matrix, il faut bien se rendre compte à quel point c'est un tournant dans la culture populaire au début des années 2000, et ça a nourri en fait la culture internet et moderne, notre génération, et notre génération. Les gens là qui attendent Cyberpunk 2077, qu'ils aient la vingtaine ou la trentaine, en fait Matrix c'est Neo, c'est un truc, quoi. Et je pense que pour les gens, c'est chez des projets, c'était la même chose. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de truc de ouf symboliquement, putain, on va avoir Neo dans notre jeu vidéo, c'était trop bien. Et du coup, c'est vrai que quand t'as la séquence et à la toute fin, tu voyais Keanu Reeves comme ça avec son bras métallique qui te parle, t'es en train de rêver, quoi, en ce moment-là. Et on se l'était dit, fin 2019, même année, il commence à y avoir les rumeurs sur Matrix 4 en plus. Donc ça revient sur le devant de la scène. Oui, c'est vrai que quelques mois plus tard, on entend parler de Matrix 4. Donc voilà, l'enfant chéri d'Internet est dans le jeu chéri d'Internet, en tout cas à ce moment-là. Donc voilà, tout va bien. En revanche, il y aura pas mal de petits décalages. C'est à partir de 2020 que ça va commencer. Enfin, le jeu est annoncé normalement pour avril 2020. Mais voilà, il y aura tous les retards qu'on va connaître, tous les délais. Il est repoussé d'abord en septembre, ensuite il est repoussé en novembre, et il sera finalement repoussé encore une fois au décembre. Là aussi, petit mème d'Internet, le fameux fond jaune avec la police d'écriture Dear Gamers, on est vraiment désolé. mais promis, ça arrive. C'est arrivé, ouais, 3-4 fois. Donc, ouais, il a été repoussé 4 fois, puisque le report à décembre était, a été annoncé quelques semaines seulement avant. Quelques jours avant la sortie officielle. Il devait sortir en novembre. Et non, finalement, on va le repousser encore. À la fin, il piétinait vraiment. Et tu sentais que bon, bah, c'était, le jeu n'était pas forcément prêt, puisqu'à ce moment-là, il faut savoir que très très peu de gens l'avaient vu et avaient pu y jouer. Il y avait eu une démo au mois de juin, uniquement, qui avait été présentée à très très peu de personnes. Et qui était le tout début du jeu. En gros, il y avait une séquence de 3-4 heures, je crois, où on pouvait jouer. En gros, ce que vous pouvez faire aujourd'hui sur PlayStation. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on commence à voir aussi, je pense à ce moment-là, mais de plus en plus d'articles, du coup, sur le crunch, le fait qu'il soit en ce qu'on appelle en death march depuis plusieurs années, en fait, donc un crunch vraiment prolongé. Ouais. Parce que les reports, on l'appelle, c'est ambigu, enfin, c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est bon pour le jeu, c'est-à-dire là, le jeu en l'état, il n'est pas bon, donc on le reporte, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les équipes qui vont devoir encore charbonner longtemps. Oui, parce qu'on a pas mal de témoignages qui nous explique qu'en fait ça fait un bail qu'ils sont sur des semaines de 7 jours et que c'est obligatoire en fait, c'est-à-dire qu'ils sont ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire que pendant un temps il y a une communication officielle de la part des patrons qui vont dire non mais vous inquiétez pas, qu'ils vont tenter de rabaisser un petit peu le niveau. Dans les faits on apprend en fait notamment je pense que c'est à cette période-là tu vois où Jason Schreier commence à exploser aussi, il y avait eu Red Dead Redemption donc il y avait déjà eu les articles sur Red Dead et tout, enfin bref on sait que ça se passe mal, mais là en plus on a vraiment des infos quantifiées où les mecs, en fait, ça fait un bail qui bosse 7 jours sur 7. Quoi. Et que ça s'arrête pas et que ça va donc se prolonger jusqu'à la sortie du jeu. Mais à côté de ça, évidemment, la campagne marketing, elle ne s'arrête pas. Et c'est vrai qu'on avait, on avait envie de retenir ça, que c'était ouf à quel point le jeu brassait large dans sa campagne. Nous, je me souviens à l'époque, j'avais vu des youtubeurs comme Nota Bene, Charlie Danger, Nexus 6, des gens qui parlent pas forcément de jeux vidéo. Et ils avaient des OPSP avec Cyberpunk 2077 où ils faisaient une vidéo spéciale Cyberpunk, donc ça parlait de Cyberpunk, mais c'était financé par Cyberpunk 2077, et une campagne de marketing qui vise vraiment large, quoi. C'est-à-dire que le jeu, on sentait que culturellement, ça dépassait le cercle des gamers, des core gamers, qu'on allait vraiment sur un jeu qui tapait sur le mainstream. Comme on l'a dit, il y avait une espèce de momentum qui était enclenché. En plus de ça, on savait qu'il y avait Matrix 4 qui allait arriver, donc tout le monde commençait à se reparler de Cyberpunk, de l'héritage de Matrix, etc. Donc en fait, c'est des projets, ils ont toujours été très bons sur le marketing, ils ont toujours eu le nez creux là-dessus, ils se sont juste jetés sur la vague au bon moment. Je sais pas si vous vous souvenez, régulièrement... J'ai l'impression que c'est eux qui ont presque créé la vague, Ils ont lancé le momentum, et en fait, comme tu le dis, ils ont dépensé de l'argent pour que des gens en dehors de la sphère du jeu vidéo continuent de parler de leur jeu. Et ça, moi j'en parle instant auto-promo pour mon bouquin sur The Witcher. J'en parle justement de leur capacité à toucher énormément de gens et qui explique pourquoi ils arrivent à vendre autant de jeux aussi fort. C'est parce qu'ils sont très très bons justement sur la partie marketing. Et je peux citer comme exemple ce que vous disiez, ça déborde un petit peu de la sphère jeu vidéo. Je crois que c'est le magazine Mad Movies qui avait fait un dossier sur le cyberpunk avec un côté il y a le jeu qui arrive, c'est l'occasion de parler du cyberpunk au cinéma. Et c'est pas faux, je crois qu'il y a Raphaël Lucas qui venait d'écrire un bouquin sur le cyberpunk, parce que culturellement il y a ce côté, effectivement on a un peu envie, en 2020 il y a un côté un peu cyberpunk état des lieux, en fait c'est la bonne occasion, et comme tu le dis c'est à la fois une bonne occasion véridique et provoquée par le jeu, où tu dis ça te donne l'idée que effectivement il y a des choses, une espèce de cercle vertueux qui s'enclenche, et puis surtout à ce moment-là, Cyberpunk 2077, tous les voyants sont au vert presque, alors il y a le crunch et tout, on le sait, mais à ce moment-là on se dit ça y est, c'est une nouvelle pierre angulaire non seulement du jeu vidéo moderne mais en plus du genre cyberpunk, ça y est on a une œuvre qui est vachement aboutie, très ambitieuse, donc tout le monde se dit ça va compter en fait, ce jeu-là va compter, donc il faut qu'on accompagne le moment de ses sorties. Et culturellement, il se passe quelque chose quand même autour de ce jeu. Et justement, on va pouvoir passer à la sortie qui, là, il y a un petit trébuchage à un moment qui va se passer comme ça. Oui et non. Parce qu'ils ont justement particulièrement bien géré aussi cette crise-là, parce que c'est clairement de la gestion de crise. Donc le jeu, il sort, on l'a reçu le jeu quelques jours à peine avant la sortie. Donc nous, on l'a reçu fin novembre. Je faisais partie des 3-4 Français qui pouvaient y jouer en avance. Donc tu dis nous, sont les influenceurs. Des gens comme ça. Je sais que Gotos chez GK l'avait. Il y avait quelqu'un donc chez jeuxvideo.com. Julien Chiez y jouait aussi. On était 4-5. On était vraiment très très peu. On avait dû envoyer nos specs de nos PC parce qu'il fallait vraiment avoir une machine de guerre pour pouvoir le faire tourner. Et surtout, aucune version console n'avait été montrée. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, personne n'a jamais vu le jeu tourner sur Xbox One ou sur PS4. à part les gens en interne chez CD Projekt, qui ont donc décidé de ne pas envoyer de version review aux rédactions du monde entier, parce qu'ils savaient très bien que ça allait être une catastrophe. Bah, qu'effectivement, donc, le jeu sort, il y a deux choses, en fait. C'est-à-dire que la version PC, déjà, c'est compliqué, il y a pas mal de bugs, de choses, etc. Ouais. Des petits déséquilibrages, le fameux épisode des gods de partout, qui a été patché, en fait, à la sortie. Bah, c'est pour ça que personne l'a vu, et tout le monde se dit, ah bah tiens, ils se sont inventés, c'est juste que ça sert à pas. Alors qu'il est dans tous les tests. Mais les testeurs... J'avais, je sais pas combien de screenshots qui en ont. Parce que ça, franchement, ça doit être limite un slider, tu sais, à changer, tu vois. Bah, on en met trois fois moins et c'est bon, il y a plus de. Non, là, c'était plus dix fois, c'était n'importe quoi. Oui, voilà, je me souviens d'un moment dans le jeu où, tu sais, on en parlait, où tu vas dans une ville sous-marine qui a été isolée et donc tu vas visiter. Et donc, tu visites une église et il y a June qui te parle en mode ah, je me souviens, je venais là avec mes parents, et sur chaque siège, il y a des gods, tu vois. Enfin, c'était vraiment, t'avais l'impression. Moi, à l'époque, je me suis dit que c'était une espèce de guérilla interne, tu vois, de dev qui ont fait une espèce de petite couille à la dernière seconde, ils ont un petit patch, j'en ai aucune foutre idée. Évidemment, officiellement, ils ont dit que c'était une erreur et que c'était un bug, etc. Mais voilà, ça a donné... Déjà que c'était bizarre de tester ce jeu-là, parce qu'il était vraiment cassé tous les sens. Et en plus, il y avait ces trucs de god partout. Enfin, c'était improbable. Bon, en tout cas, voilà, sur les versions PC, il y avait déjà beaucoup de bugs. Il fallait une grosse machine pour les faire tourner. Hein, la preuve, hein, vous avez demandé vos configs. Et c'est vrai que sur les versions ancienne génération, c'est-à-dire PS4 et Xbox One, le jeu était tout bonnement injouable, en fait, à la sortie. À tel point que déjà, les tests sont sortis après. Donc, il y a eu toute cette manœuvre pour pas que finalement les gens... En fait, le jeu... C'était possible de. Si tu l'achetais des One sur PlayStation 4, les seuls tests auxquels tu avais accès, c'était les tests PC. Ouais. Donc la très bonne note, 86 sur Metacritic. T'avais la très bonne note sur Metacritic. Alors qu'en fait, quand vont sortir les tests sur PlayStation 4, on va descendre à 57 sur Metacritic. Ce qui est une catastrophe. Oui, ce qu'on rappelle juste quand même la pratique, c'est qu'en général, les copies, un peu comme vous avez eu sur la version PC, sont envoyées avant. Donc la version console, la version PC, elles sont testées. Et comme ça, le jour de la sortie ou quelques jours avant la sortie, les gens postent un test. Et comme, guide d'achat, les gens, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. C'est déjà arrivé plusieurs fois que l'embargo tombe le jour du test. En général, c'est mauvais signe. Ça avait été le cas pour Fallout 4 et très récemment, ça a été le cas pour Callisto Protocol. En général, si l'éditeur ne veut pas que les tests ils sortent le jour même de la sortie, en général, tu dis non. Ça veut dire qu'il veut que les précommandes passent que les gens aient pas, juste l'achètent des. Ils veulent pas rater le day one, en fait, parce que, et tu sens que le sous-entendu, c'est ils savent que si les tests sortent, il y a des gens qui vont annuler les précommandes ou qui vont pas l'acheter day one. Donc, c'est mauvais signe. Et donc là, comme tu l'as dit, les versions PC étaient là parce qu'ils se doutaient que les notes seraient plutôt bonnes, et ça a été le cas à 86. Mais console, il fallait le temps que les testeurs puissent y jouer, parce qu'ils ont pas reçu une review avant. Et donc les tests sont sortis soit dans la soirée ou même carrément un jour après. Donc Pour dire ça en des termes très clairs, c'est-à-dire que CD Projekt a manipulé entre guillemets l'opinion publique et la façon dont Metacritic fonctionne pour s'assurer que les gens, puisqu'ils avaient quand même 8 millions de précommandes à ce moment-là, et donc quand le jeu sort et il est enfin disponible, la seule note effectivement qu'on peut voir, c'est le 86 sur PC, avec des choses vraiment dithyrambiques sur la plupart des tests, mais les versions consoles, comme elles n'ont jamais été vues, personne ne soupçonnait la catastrophe qu'on a eue derrière. Sachant que, au-delà de ces catastrophes, il y avait d'autres soucis du jeu, mais voilà, vraiment, je pense que cet épisode sur Metacritic, je sais qu'à chaque fois que j'en parle, des fois il y a des gens qui vont dire qu'ils lèvent les yeux au ciel, c'est juste qu'il faut comprendre que c'était vraiment un effort très conscient de la part de CD Projekt, qui à un instant T s'est rendu compte que leur jeu sur console, ça n'allait pas du tout. Ils ont fait le choix, en fait, de manipuler les gens en disant vous aurez accès au test de laisser PC et de laisser faire et de limiter la casse. Et c'est surtout qu'ils ont réussi à limiter la casse, parce qu'en fait, ils ont quand même réussi à écouler 13 millions de ventes dans les premiers jours. Alors, sachant qu'il y a eu les retraits, c'est-à-dire que Sony, donc sur PlayStation, assez rapidement, c'est arrivé assez vite que Sony a décidé de hop, on peut plus l'acheter sur le store, et c'était possible de se faire rembourser. Et sur Xbox, on pouvait toujours l'acheter, mais on pouvait demander le remboursement sous aucune condition, on l'obtenait. Bon, ce qu'on sait en réalité, c'est qu'en plus, dans ce genre de cas, en fait, les remboursements, c'est très minime. C'était quoi, on avait vu, c'était 25 000 personnes ou un truc je sais plus si on avait trouvé une source Il y a eu un communiqué comme quoi c'était 30 000 refunds, ce qui est rien du tout par rapport aux 8 6 millions de précommandes. Bah oui. Et surtout des ventes, hein, en 10 jours, ce sera 13 millions. Donc, il y aura encore 5 millions de jeux qui vont se vendre sur les premiers jours. Donc, voilà, le jeu va pas trop subir, en tout cas. Le fiasco, en fait, va quand même avoir un impact, mais plus sur la, durée, en fait. C'est ça. Ouais. Parce que, autant il y a 13 millions de ventes qui sont faites en 10 jours, c'est très impressionnant, on est sur un gros, gros chiffre. Hein. En revanche, là, on est 2 ans après, et on est juste à 20 millions. C'est-à-dire que sur les 2 années qui ont suivi, bah, il s'est écoulé à 3 et 4 millions, ou je sais plus, enfin bref, voilà, 7 millions sur 2 ans. Ce qui est rien, en fait, par rapport à 13 millions en 10 jours, normalement, tu dois les taper encore en 2 ans, tu vois. C'est pas non plus ridicule, hein, mais en fait, il se vend quand même moins que The Witcher 3, tu vois, en 2020. Sur la même période. Sur la même période. Ouais, c'est ça. Et bah, il se vend, en fait, quasiment 2 fois moins qu'un The Witcher 3, alors qu'il a coûté 2 fois plus cher. Donc, c'est vraiment, quand on prend ces données-là, bah, on se rend compte que même si, d'un point de vue, on va dire, pour CD Projekt, en fait, on est déjà sur un demi-succès ou un demi-échec. Vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais déjà, on n'est pas du tout sur les bases qui s'étaient fixées par rapport à leurs ambitions pour le jeu. Mais c'est ça, en fait, dès la sortie, il y a un côté, c'est historique. C'est, comme tu as dit, c'est pas sur quel pied danser, puisque retirer des stores Sony, genre le truc, ça n'est jamais arrivé. C'est historique, quoi. Mais c'est incroyable, fiasco. Et, vrai, et de l'autre côté, tu vois 13 millions. Enfin, tu sais, tu sais pas trop quoi en penser. Enfin, vraiment, sur le fiasco, je m'en souviens, ça, je crois que c'est même arrivé dans les médias un peu plus généralistes. Mon père m'en avait parlé, tu vois. Il a dit, oh, j'ai entendu parler Cyberpunk, il y a un truc là en ce moment. Ah bah, si, c'est que voilà, il s'est passé quelque chose. Et l'un dernier truc pour finir juste sur cette petite épisode et après je referme la parenthèse, c'est que ce qu'on ne saura pas, et j'espère un jour qu'on aura le fin mot de l'histoire, c'est comment ils ont réussi en fait à passer les certifications des consoles, puisque normalement en fait vous avez un cahier des charges extrêmement rigoureux en fait, qui permet de valider le fait que le jeu puisse sortir, et bah, c'est impossible que quelqu'un ait vraiment, tu vois, enfin le jeu tel qu'on l'a vu quand il est sorti sur Xbox One et PS4, ça ne passait pas. C'est à dire que ben il y a d'autres gens qui avaient pris la parole sur internet à l'époque, des gens de l'industrie, des gens de chez BioWare, de chez Bethesda, de chez plein de studios, qui disaient non mais nous on a déjà envoyé des versions qui étaient dans le même état, et bah, évidemment qui se faisaient retoquer, tu vois. Donc il y avait quand même beaucoup de goodwill, de bonne de confiance en fait qui était accordée à CD Projekt, qui explique probablement pourquoi les équipes de Sony et Microsoft ont laissé passer le truc. Mais a priori Sony s'en est mordu les doigts, parce que pour qu'ils décident de retirer des stores, enfin c'est vraiment, même en y repensant aujourd'hui, c'est pas arrivé à d'autres jeux, quoi. Donc voilà, une sortie, une vraie sortie historique, hein, un jeu qui a cristallisé tellement de choses, de la hype, le fiasco. De toute façon, voilà, on était fin décembre 2020, c'était un feuilleton. Cyberpunk 2077, c'était vraiment une espèce de, moi j'étais en mode un peu Schadenfreude, parce que bon, j'ai pas énormément d'amour pour The Witcher 3. J'étais là, les IP, c'est bien fait pour vous. Mais en vrai, moi j'ai pas été sur Twitter pendant 3 semaines. Oui, bah toi, ça a été les gens. Toi, le Schadenfreude 2 était différent. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'était un vrai feuilleton autour de tout ce qui se passait sur jeu. Et feuilleton en plus qui a duré des mois et des mois. Parce que la sortie de on est encore en cours de sortie de Cyberpunk 2077, puisque là, il va y avoir une version jeu de l'année, vous ne me voyez pas mettre les guillemets, mais je les mets, avec en plus un DLC qui va sortir. Le jeu continue pour 2023, de sortir. Ouais. Non mais oui, parce que sans entrer dans le détail, parce que tout ce qui arrivait là, c'était pas dès le premier jour. Il y a eu d'autres trucs, tu sais, il y avait eu des investisseurs a priori qui avaient attaqué en justice, il y avait une histoire de hacking aussi, où des gens qui avaient, je sais plus, volé quelque chose, enfin bref, il y a eu plein de trucs, comme tu as dit, écoulés sur quelques semaines, et vraiment, t'as l'impression que t'avais une news toutes les semaines, quoi. Mais bon, au-delà de ça, le jeu, les ventes ont quand même été là, et puis le 86 sur Metacritic, sur la version PC. Bon, un jeu qui a été taillé de toute façon pour plaire à la critique, le AAA, etc. Donc pas si étonnant que ça. On va pouvoir passer à la suite, et notamment l'histoire de ce Cyberpunk 2077, plongé avec Maxime dans Night City. Mais avant, décidez qui vous êtes, qui vous étiez, Maxime. Qui es-tu ? J'ai pris Nomade, et pour préciser, parce qu'en fait, au début du jeu, on a le choix entre Nomade, Corpo ou Street Kid. Ça vient du jeu de rôle papier. Hein. Mm-hmm. Je crois qu'il y a 10 rôles, et ça fait partie des 3. Je crois qu'on a choisi tous les 3 un truc différent. Oui. Hein, toi, t'es Corpo. J'avais pris Corpo. Et moi, évidemment, Street Kid. Moi, Nomade, en fait, je l'avais pris parce que je trouvais ça assez original. Moi, dans un univers cyberpunk, ce côté un peu, tu vois, Mad Max en périphérie de la ville, t'es dans le désert, tu vois, la ville de loin. Je me disais, effectivement, on sort un peu des sentiers battus que moi, je connaissais. Mais tout ça pour dire, les 3, vont vont se rejoindre très vite, hein, quelle que soit intros, l'histoire en fait, qu'on choisit. Il y a des petites intros différentes, voilà, qui sont spécifiques à chacune des pas des classes, mais en tout cas des provenances. Mais on va quand même se retrouver à un moment dans Night City à devenir une petite frappe et à faire ami-ami avec Jackie. Ça rappelle un peu ce qu'on avait vu. Alors vous l'avez pas fait, mais c'est ce qu'il y avait dans Dragon Age Origins. En d'accord. Fait, d'accord. On avait la même chose. On pouvait vivre un prologue un peu différent okay. en fonction okay. des personnages qu'on incarnait, et après tout le monde se rejoignait pour la quête principale. Et bon, petite frappe, tu l'as dit, on monte quelques échelons et en moment on a une grosse mission. On va devoir voler. Je crois qu'ils appellent ça un artefact. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Dans la chambre d'hôtel du fils du dirigeant d'Arasaka, une des plus grosses corporations de Night City. Voilà, quelqu'un de très important. Donc c'est pas petite mission, pas petite mission pour les nuls quoi. Tout le monde meurt, hein, globalement. Oui, c'est vrai qu'on réussit. Enfin, la mission se tourne, tourne au vinaigre. Mm-hmm. Néanmoins, on arrive quand même à récupérer la fameuse clé USB, le fameux artefact. Et il se trouve que sur cette clé USB, qu'est-ce qu'il y avait ? Non pas des films érotiques, mais la personnalité de Johnny Silverhand, donc Keanu Reeves dans le jeu. Et on le savait pas, mais en catastrophe, on a dû se l'insérer dans notre disque dur parce que c'était dans une valise. Ça devait être maintenu certaines températures, et voilà, on avait tout cassé. Ah oui, voilà, oui. c'est ça, on n'a pas le choix, il faut comme la mettre dans la tête. Comme on a tout cassé la valise, il faut mettre dans la tête. Voilà, c'est simple, non enfin, je veux oui, dire. C'est ça. Et donc, la personnalité de Johnny Silverhand commence à nous apparaître dans l'esprit, puisque, bah voilà, on a fait un copier-coller dans notre tête, donc il débarque et il y a ses souvenirs, et puis même lui qui va apparaître régulièrement, voilà, dans notre chambre ou dans notre champ de vision, et il va nous parler, etc., il va nous discutailler avec nous. Et progressivement, il prend notre place, en fait, il y a un côté, il ronge un peu entre guillemets, il remplace un peu le cerveau et on nous annonce, le charcutoc, donc les personnes qui font des améliorations, nous annoncent que, a priori, ils savent pas trop ce que c'est, hein, c'est une technologie qui est assez secrète, et ils nous annoncent que dans quelques semaines, c'est foutu, on va disparaître, en fait, c'est Johnny qui va prendre notre place. Donc on va essayer d'enquêter pour trouver comment soit se débarrasser de Johnny, comment empêcher de perdre tout simplement sa personnalité, parce que V, elle a pas envie, elle a envie de continuer à exister, tout simplement. On apprendra notamment que Arasaka, ils ont plein de personnalités en stock, ils ont développé cette technologie qui leur permet de prendre carrément ton esprit, de le stocker dans un disque dur, et puis comme ça on le garde au cas où, si on a envie de faire des choses avec, je ne sais pas. Et au final, on va se retrouver à attaquer Arasaka, alors de différentes façons selon les quêtes qu'on aura menées. Donc il y a des options avec Panam, qui elle est une nomade aussi, ouais. Donc là c'est une petite troupe à la Mad Max, et on va pouvoir les attaquer avec un tank. Il y a une ancienne pote de Johnny qui s'appelle Rogue. Ouais. Elle dirige une boîte de nuit ou un bar ou un truc comme ça. C'est le bar où on se retrouve au début avec Jackie. Ouais. Hein. Parce qu'elle fait quand même plus que ça, je crois qu'entre autres, elle a le bar. Elle est très importante. Elle a un peu de 10 derrière, c'est une couverture. Et on va pouvoir aussi attaquer avec elle Arasaka, mais d'une autre façon. Ouais. Et puis, il y a aussi la moyen, en comptant sur personne. Si t'as fait zéro quête annexe, tu peux... Oui, il y a le moyen corpo où tu peux te lier un petit peu avec... En fait, parce que Arasaka, donc il y a le fils qui veut prendre un peu le contrôle, mais il y a aussi la fille et ils se battent un peu le pouvoir, le fils et la fille. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais dans cette mission de l'hôtel, vous en souvenez peut-être, mais on assiste au meurtre en fait du patron d'Arasaka par son fils. Oui, et tout du à coup, fait. Bon, c'est vrai. Autant dire qu'il n'a pas envie que tu restes en vie puisque tu as vu ça, mais du coup, comme la sœur est au courant, il y a une petite bataille de pouvoir et tu peux la rejoindre elle et essayer de convaincre Arasaka de dégager le frère et qu'elle prend le contrôle, quoi. Donc on va combattre Arasaka, alors évidemment on va pas faire tomber la méga corporation parce que ça ne marche pas comme ça dans la vie, mais néanmoins on va pouvoir trouver une solution et c'est là qu'il va avoir pas mal de choix, c'est-à-dire est-ce qu'on se débarrasse de Johnny, est-ce qu'on le laisse partir dans le cyberespace avec encore une ancienne pote qui est devenue une IA sexy dans le cyberespace, ou alors c'est nous qui partons dans le cyberespace, et si on choisit de se débarrasser de Johnny, après on peut partir de la ville, je crois que c'est ça, et puis faire sa vie, mais pour 6 mois, parce qu'on va quand même mourir au bout d'un moment. Oui, si on est amis avec Panam, on se casse de Night City avec Panam, et sinon, il y a des expériences qui sont faites sur nous dans l'espace, et ils nous annoncent que, on a 6 mois à vivre, hein, Johnny est dégagé, mais non, c'est dead. Et voilà, c'est donc l'histoire de Cyberpunk 2077. Que dire de cette histoire ? Déjà, on peut dire que la mise en scène, la transposition à la première personne est quand même plutôt réussie. Il faut le dire, quand on rentre dans le jeu, notamment avec le passage sur les charcutocs, où tu mets ton bras dans le petit cercle et il y a plein de petites aiguilles qui viennent te tripoter, ou quand on met des trucs dans les yeux aussi, c'est vrai que ça marche pas mal. Toutes les séquences un peu cinématiques où on vit ça de l'intérieur, ils ont ont fait un énorme boulot, quoi, parce que du coup tout a été filmé, tout a été tu sais, c'est du c'est de la performance capture, du coup, et vraiment tout est vraiment bien pensé, et ça c'était quand même assez impressionnant. C'est un gros step-up par rapport à The Witcher 3 qui était quand même sur du champ contre champ assez classique. Là ils ont mis les petits plats dans les grands pour tout ce qui est narration, et ça donne lieu à quelques séquences quand même assez marquantes. Par contre, très tôt, grosse désillusion sur le background qu'on choisit. Il y a quand même des choses qui sont totalement opposées. On a dit nomade, corpo, street kid, c'est des profils complètement différents. Et une fois qu'on a ce point où on rejoint, on est l'ami de Jackie, on a la petite frappe, en fait, il n'y a aucun impact. Il y a des mini choix de dialogue complètement inconséquents, il y en a très peu. Mais tu sais, quand tu y réfléchis, tu te dis, t'as quand même un scénario où t'étais corpo. Alors, t'étais pas non plus le chef de Night City ou quoi, mais t'étais cadre, quand même. Ouais, voilà, t'étais cadre, riche et tout. T'étais bien, quoi. On a complètement gelé tes comptes bancaires, t'as plus le droit d'aller travailler, et tu sais, ça devient ta vie. Il y a aucune c'est pas traité, de toute façon ton background n'est pas traité dans le jeu et ne sert à aucun des embranchements, donc ça rentre pas vraiment en ligne de compte toute cette histoire là et ça, de toute façon, c'est un truc qui va se reproduire un peu dans tout le jeu, c'est-à-dire que souvent on fait beaucoup de choses qui sont relativement inconséquentes, ou en tout cas des choses qui sont amenées par le jeu au début, où on se dit oh là là, dis donc, il va nous promettre quelque chose, où on sent qu'il y a des pistes qui sont un petit peu tirées. En fait, assez vite on va se retrouver face à un mur, parce qu'en fait ça ne va pas beaucoup plus loin que la surface. On retrouve aussi, c'est vrai qu'on en avait pas mal parlé, dans l'épisode sur The Witcher 3, tu vois, sur l'intelligence de choisir ce chasseur de monstres dans l'idée de faire des quêtes, parce que Geralt, on disait, c'est un héros de jeu vidéo naturel. Là, ils ont essayé de reproduire un petit peu ça avec Cyberpunk, puisque V, elle est mercenaire slash fixeur. Elle travaille pour les fixeurs, c'est ça. Ouais, les fixeurs, c'est l'intermédiaire. De quêtes. Ouais, c'est les donneurs de quêtes. C'est ça. De toute façon, au départ, c'est un jeu de rôle, c'est un TTRPG, donc un tabletop. Donc c'est vraiment du jeu de rôle façon un petit peu Donjons et Dragons, pour les gens qui connaissent ça, qui fait partie des rares jeux de rôle un peu dans un univers cyberpunk. À l'époque, il y avait éventuellement lui et Shadowrun, qui est beaucoup plus compliqué. Et en fait, la vie, on va dire, quotidien dans le jeu de rôle papier, c'était ça. C'est-à-dire que t'étais des sortes de petits mercenaires, t'étais prêt à tout pour pouvoir survivre et surtout gagner de la réputation dans Night City pour devenir un peu une espèce de légende locale. Et pour ça, tu acceptais des jobs plus ou moins risqués, et plus tu en acceptais des risqués, et plus tu avais accès à des missions de plus en plus faux-folles. Chose qu'on retrouve d'ailleurs dans le jeu, il y a vraiment cette idée de on va devenir les stars de Night City. C'est vraiment quelque chose alors je dis elle parce que moi mon perso était féminin, qu'elle balance genre on va devenir les rois de Night City, etc. C'est au début du jeu, c'est assez présent. Ouais, mais tu ne sens pas du tout cette montée en puissance, en fait. Parce que je sais qu'il y a des stats qui existent, de notoriété, de trucs comme ça, mais concrètement, je les ai pas sentis parce que ça a pas d'impact sur le jeu, en fait. Parce que les fixeurs, très tôt, ils te contactent, ils te disent tiens, j'ai entendu parler de toi, j'ai une mission pour toi. J'imagine que peut-être, tu vois, factuellement, il y a certaines missions qui ne te sont proposées une fois que t'as passé tel stade, mais tu ne sens pas du tout, parce que le jeu, il a une histoire à te raconter. Que tu finis le prologue et que Jackie est mort et machin, moi je me souviens très bien que tous les fixeurs t'appellent les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, j'avais tout le monde qui m'appelait en mode hey, salut V, tu veux garder mon chien ce week-end? Hey, salut V, viens m'aider à déménager. Enfin, tu vois, c'était vraiment des missions un peu aux F. Et ce qui est bizarre, c'est que normalement, entre guillemets, on aurait pu s'imaginer qu'il y a une sorte de segmentation. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, au départ, on va avoir des missions un peu aux F, et petit à petit, en gagnant de la réputation au sein de la ville, on va avoir accès à ces fixeurs un peu légendaires, parce que certains sont un peu tirés ou inspirés par des personnages du jeu de rôle papier, et qui est une sorte de progression. Et en fait là, d'un coup, tout le monde, on a fait une mission pour Arasaka qui était déjà complètement en dehors de notre ligue. C'est qu'on rencontre Jackie, et après il y a ce fameux montage de cinématique où on voit qu'ils passent beaucoup de temps ensemble à faire plein de trucs, V et Jackie, et ça y est, en fait, ils sont installés. Donc il n'y a pas cette histoire de up qu'on voit souvent dans les histoires un peu de gangsters. Enfin, je pense même à GTA 4, tu vois, tu débarques, c'est ton cousin, tu fais des trucs un peu nuls à Yesh, et puis au fur et à mesure tu commences à faire des trucs de plus en plus ambitieux qui vont te rapporter de plus en plus de thunes. Là, c'est pas le cas. Très vite, t'es un mercenaire, tout le monde te connaît, salut V, j'ai besoin de toi, et tu fais des missions, et finalement tu n'as pas cette sensation de monter dans les strates. Tu vas juste osciller entre différentes factions et les différentes personnes qu'on te fait rencontrer, parce que le jeu a décidé que maintenant c'est les Voodoo Boys, maintenant c'est les mecs dans le désert, et c'est ça en fait. Il n'y a pas cette idée de monter dans les strates de la société. En tout cas, on le retrouve pas dans le jeu, quoi. Dernier point peut-être aussi sur les passages braindance. Ça, c'est peut-être un des trucs ils ont essayé d'être assez ambitieux dans cette mise en scène. Donc, parce que c'est vrai que ça reprend un peu le côté des enquêtes. Hein. Dans The Witcher 3, on passait beaucoup de temps à je sens une odeur rouge et je vais la suivre jusqu'au cadavre rouge. Là, ils ont essayé de l'adapter un petit peu différemment dans ces séquences de braindance. Donc, on revit une séquence que quelqu'un s'est enregistrée dans le crâne et on va pouvoir se balader dans la séquence à la fois dans l'espace mais aussi dans la temporalité de cette séquence en revenant en arrière et inspecter des petits indices ici et là pour comprendre ce qui s'est passé. C'est le système qu'on avait dans Remember Me, voilà. Ouais, petit shoot out. Moi, ça me fait penser aussi même à Detroit Become Human. Il y a des un peu des séquences comme ça. Il s'était repris de ça aussi d'ailleurs. Ouais, c'est parce que t'as des filtres aussi thermiques pour le son et du coup, faut que tu trouves un peu l'indice. Mais bon, on reste dans du truc entre guillemets détective triple A, c'est-à-dire tu cliques où ça brille et c'est bon, ça fait progresser l'enquête, quoi. Gros enquêteur. C'est ça. Mais voilà, en termes de mise en scène, en fait, dans un triple A, je m'attends pas à réfléchir, tu vois, je m'attends pas à avoir un moment eureka, parce qu'on le sait, et c'est pas pour dénigrer, mais on le sait, les triple A, il faut qu'il y ait beaucoup de ventes, faut surtout pas bloquer les gens, c'est vraiment ça la volonté. Oui, on va pas faire de l'enquête, non, voilà, c'est sûr. Pas des jeux d'enquête, et du coup, j'en attendais rien, il y avait un côté, bon, pourquoi pas, tu vois, visuellement, ça marche. Limite, en fait. En plus, tu sais, le propos, tu sais, au début, on nous dit que les gens, ils revivent des films, tu sais, c'est un délire, en fait, c'est de regarder des trucs un peu sensationnels, et il y a un marché noir et tout. J'aimais bien, tu sais, le premier où tu vois une espèce de braquage de vue à la première personne, je trouve ça pas mal parce que t'as l'impression de voir quelque chose d'un peu interdit et en termes d'expérience pseudo-cinématographique, c'est pas inintéressant. Bah, il y a quelque chose à faire. Tu vois, dans l'univers du jeu et dans le jeu de rôle, et ça a été beaucoup repris d'ailleurs dans le dessin animé qui est sorti sur Netflix, la Edge Runner, c'est vraiment, on est dans du snuff en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans de l'expérience complètement interdite de gens qui vont revivre les derniers moments d'un type en train de braquer une banque et de déchirer des gens, de se retrouver dans n'importe quelle position, dans une orgie ou quoi que ce soit. Enfin, il y a tout ce côté vraiment de l'interdit et de, il n'y a pas de limite, quoi. Et je trouve que ça faisait une bonne base, alors que finalement dans les séquences on reste plutôt sur de l'enquête à peu près sage entre guillemets, alors que la première promettait des trucs un peu de fou furieux. Et puis il y en a pas tant que ça en fait, c'est-à-dire que en dehors de peut-être, tu vois, tu disais dans une quête annexe tu l'avais eu, mais dans la quête principale, bon, tu le fais ça une fois, deux fois, trois, mais bon, t'en as, ça se résume à, je suis quasi sûr t'en as une où tu dois avoir la piste des Voodoo Boys et c'est juste un coup de téléphone, t'entends des gens parler en créole et ça te met sur la piste, et je crois que c'est juste ça en fait Pas très bien, puisqu'on en parle, on va pouvoir s'arrêter un peu sur le côté cyberpunk du jeu, parce que bon, c'est son nom au passage. Le truc le plus cyberpunk, ça reste la ville, donc vraiment le travail qui a été fait sur Night City avec les différentes strates là, on les sent quand même un peu plus dans la ville. On voit vraiment qu'il y a des quartiers très corporate, il y a la défense, il y a les bidonvilles, il y a des endroits où c'est vraiment juste des tentes sous des ponts. Il y a d'autres endroits de la ville qui servent à alimenter la ville en énergie. Samak, je me souviens, t'avais montré des images dans la vidéo de GND, si vous voulez voir cette petite chaîne sur internet, ça existe. Et donc ça, cette stratification, elle est bien représentée. Et puis esthétiquement, on est dans la ville cyberpunk, les néons, les logos japonais, les hologrammes qui flottent, on a tout ce qu'il faut pour avoir plaisir des yeux. Et ça en fait, c'est une espèce de réalisation d'un vieux fantasme qu'on avait, je pense, tu vois, c'est un truc de culture, un peu de cette sous-culture qu'on avait nous dans les années 80-90, où tu t'imaginais un jour vivre ça dans la vraie vie, parce que tu t'imaginais que le futur allait ressembler à ça. Le genre cyberpunk s'y prête, puisque on se plonge dans un monde, c'est vraiment se plonger dans le métaverse ou des trucs comme ça, donc on se dit, le jeu vidéo c'est presque cyberpunk en soi, donc c'est logique qu'une œuvre cyberpunk puisse prendre vie là-dedans. Et puis on se rend compte, tu vois, je veux dire, en vieillissant, on se rend compte, tu vois, de la place que prennent des boîtes comme les GAFAM, que ce soit Google, Amazon, Facebook, etc., qui prennent une place de plus en plus importante. Donc on sent qu'il y a quand même une espèce de tracé un peu parallèle avec ce que pouvaient nous présenter les œuvres cyberpunk des années 80, quoi. Et ce qui était assez réussi de leur part, c'est que, parce que forcément Night City, c'est ce qu'ils mettaient beaucoup en avant, et te le montrer deux jours. Oui. Et il y avait un côté quand même, tu vois. Ça s'appelle Night City à cause du créateur. Ça a aucun rapport avec la nuit. Ah non, mais moi, je parle dans le cliché cyberpunk en général. Il fait nuit. Et il y avait quand même ce côté. Mais en fait, non, c'est quand même une vraie ville. Ça arrive qu'il fasse jour, tu vois. Et il y a un côté, je vais quand même même vivre le quotidien, tu vois, d'une ville comme ça. Donc ils te le montrent de jour et c'est pas, voilà, c'est pas tout. Ils te montrent ça sous une bonne couture. Je trouvais ça intéressant. Donc on l'a dit, c'est vrai que le jeu, bah, vraiment va se nourrir de plein de références pour dresser son univers. Il y a du Blade Runner, on l'a dit. Non, je voulais juste dire, faire un petit point fashion aussi en dehors de la ville, vraiment. Pardon, vas-y, fais quoi, fashion. Non, mais sur les tenues, tu vois, l'esthétique, vraiment, les façons dont ils s'habillent et tout, les vêtements. Alors oui, dans les foules, tu peux repérer quelques modèles qui sont les mêmes, hein, voilà, bien ça sûr. Reste de l'open world, voilà. Mais il y a une diversité quand même qui est vraiment, enfin, si tu te balades dans le marché ou quoi, que tu regardes chaque individu, il y a plein de designs différents. Il y a eu un taf quand même esthétique, voilà, j'appuie vraiment dessus, quoi. Oui, sur le look, vraiment, ouais, ils ont fait un travail intéressant. Alors, est-ce que ce sera la mode à un moment, je ne sais pas. Mais c'est vrai que beaucoup de crêtes violettes dans le monde de Cyberpunk. Donc, je disais, pas mal de références. Blade Runner, ça, oui, pour la ville, évidemment. Il y a, on peut noter, je sais pas, Ghost in the Shell 2 avec la séquence là, avec du carnaval, les chars, avec les poissons, etc. Toi, Maxime, tu pensais à Transmétropolitane, c'est une BD, ça que... C'est un comics en 5 tomes qui, dans un peu l'esthétique, le ton un peu trashouille, tu sens que Cyberpunk, enfin, je trouve, moi qui s'en ai inspiré, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a les fameuses pubs dans la ville, les panneaux publicitaires où c'est du cul, partout, tout le temps. Voilà, ça dépend. Ou alors du gore, effectivement. Oui, du gore et du cul parfois. Effectivement. Et Transmétropolitane, il y a un petit peu ça, tu vois, dans l'esthétique. Après, bon, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi une œuvre qui va, voilà, qui a sa thématique, qui a son truc, mais il est dans cette esthétique-là. On peut dire que ce Cyberpunk 2077, c'est pas, c'est plutôt une uchronie, c'est-à-dire que c'est pas vraiment notre monde en 2020 qui est allé en 2077, c'est plutôt le monde de 1980 qui est allé jusqu'en 2077, et voilà, c'est plus vraiment notre monde. Et c'est peut-être là où finalement il y avait ce débat un peu, est-ce que c'est très cyberpunk? En fait, quand tu joues au jeu, t'as pas l'impression que c'est un jeu qui nous parle de notre monde à nous, mais plutôt qu'à une vision esthétique rétro-futuriste. C'est plus un délire vraiment rétro-futuriste comme ça qu'une critique de notre société actuelle. Et d'ailleurs, on le voit, tu vois, il y a pas beaucoup de les réseaux sociaux, il y en a pas vraiment, des choses comme ça. Donc c'est pas un jeu qui nous parle. Les gens regardent la télé. Oui, c'est vrai, les gens regardent la télé. Déjà, ça c'est étonnant en 2077. Mais en fait, c'est ça s'appelle Cyberpunk 2077. Et il y a un truc un peu contre-intuitif finalement par rapport à ce que nous propose vraiment le jeu. Et c'est peut-être ça aussi, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est que c'est un jeu qui est finalement assez inoffensif. Il n'y a pas du tout ce côté punk du cyberpunk dans l'histoire. En fait, il brasse plein de choses assez larges. Tu sens, voilà, il y a des prothèses, il y a du cyberespace, il y a des souvenirs qui sont créés, qui prennent la place sur les gens. Toute l'imagerie globale du cyberpunk, elle est dedans. Mais j'ai l'impression que comme il veut parler de plein de choses, c'est un jeu qui a du mal à resserrer son propos sur quelque chose. Il y a ce truc-là de Silverhand qui va prendre ou pas la place dans ta tête, mais qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, au-delà de la question la plupart des thématiques sont traitées de manière très superficielle, en fait. Il n'y a pas vraiment un thème global qui va rentrer qui dans le jeu. Du jeu, parce que, par exemple, on parlait de fashion il y a quelques instants. Le look dans le jeu de rôle, comme je le disais, Cyberpunk 2020, c'est super important. C'est vraiment, tu vois, un truc très important. Et même dans les démos qu'ils nous avaient faites avant la sortie du jeu, ils nous avaient expliqué que ça allait avoir un impact, qu'en gros, on allait avoir accès à des différents fringues, etc. Et que la personnalisation de notre personnage aurait de l'importance. Ouais. Et une fois qu'on est dans le jeu final, en fait, non, ça n'en a pas du tout, ça ne change rien. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que d'un côté, donc on l'a dit, il n'y a pas ce parti pris cyberpunk de vraiment dénoncer. Il va reprendre quelques poncifs par-ci par-là, mais sans vraiment apporter quoi que ce soit. Ça fait partie du décor, tu vois, même petit que l'esthétique ou quoi. Et de l'autre, il va même pas pousser la futilité. En fait, il va pas assumer le truc avec le côté, tu vois, tu l'avais mentionné tout à l'heure, on va devenir célèbre dans Night City, où le cool, le look et tout. Enfin, tu vas même. Donc, en fait, t'es dans aucun extrême, t'es un peu dans un entre-deux, t'es dans un décor rétro-futuriste, un peu comme ça. Et en fait, tu me demandes de quoi parle Cyberpunk 2077. C'est ça la vraie question. Je sais pas grand-chose, disons qu'il y a vraiment de plein de choses et de pas grand-chose à la fois. Parce qu'il y va pas très très loin, mais par contre, il y a vraiment, je pense, et ça, c'est un truc qui a été. Je me souviens du test de Corentin Lamy sur Le Monde, qui parlait, tu vois, de la possibilité d'une ville. Et c'est ça, en fait, c'est que Night City, en tant qu'objet, en tant que lieu plutôt, et espace ludique, c'était la réalisation d'un vieux fantasme. On avait envie de jouer dans un jeu vidéo avec des néons japonais. En fait, la séquence d'intro d'Akira, le film, souvenez-vous, la séquence des bidonvilles de Ghost in the Shell 1. Enfin, vraiment, plein de séquences comme ça. On avait envie de jouer dans un jeu comme ça, Blade Runner et tout. Et t'avais envie de te balader dans ce délire-là. Et ils ont réussi de ce côté-là. C'est-à-dire que tu te balades là-dedans, mais on est encore une fois que en surface, c'est-à-dire que tu peux rentrer dans aucun bâtiment, il n'y a pas réellement de... Enfin, il n'y a rien que tu peux visiter, c'est juste tu te balades dans la ville, tu es dans une espèce d'énorme diorama très très beau, qui a coûté des millions, mais ça s'arrête là, quoi. Et puis même en termes d'interface, là où The Witcher 3, tu sens que ça parlait voilà, de la place du père, comment tu joues ton rôle, etc. Il y avait des enjeux politiques, etc. On sentait qu'il y avait quelque chose, il y avait une histoire, un fond, une thématique. Là, dans Cyberpunk, moi, j'en ressors, je savais pas... Ouais. Et c'est ça, et souvent, parce que les œuvres Cyberpunk sont souvent un peu des allégories, elles sont là pour critiquer un truc, on vit dans Black Mirror, tu vois, tu revois un épisode de Black Mirror, tu comprends qu'il veut te parler d'un truc. Il a fait des guillemets avec ses doigts, je précise quand même. Pour... tu vois que on veut essayer de parler de quelque chose d'assez précis et de t'emmener sur une réflexion sur ce terrain-là. Or, Cyberpunk, n'a pas, c'est pas un jeu qui a grand-chose à dire. Tu vois, et je pense que ce truc-là de la futilité, ça aurait été intéressant de partir là-dessus. Ou même, je sais pas, la pub, on aurait pu essayer de partir dans ce dire-là. En fait, il y a plein de pistes qui sont évoquées, il y a des suggestions, mais il n'y a aucune grande réflexion alors derrière. Que justement, ça, ça aurait été un thème qui aurait été ultra intéressant à explorer, les histoires de la futilité, tu vois. Et ça, c'est exploré, du coup, je vous invite à regarder la série animée. Elle est incroyable, vraiment. Moi, je l'ai trouvé énorme. J'ai vraiment adoré ce truc-là. Et le jeu, en fait, il n'arrive pas à retrouver un petit peu ce ton-là et cette profondeur-là de montrer des gens qui se battent pour survivre un petit peu dans une ville qui les détruit, qui est dans un système où, de toute façon, ils ont tort à la fin. Tu vois, c'est les corpos qui gagnent, quoi qu'il arrive. Et c'est ça, un peu, le monde de Cyberpunk. Ouais, ouais. Mais là, dans le jeu, à la fin, en fait, nous, on arrive, on ne se sent pas écrasé, on ne sent pas ce truc-là, quoi. Et puisque tu parles de l'animé, j'en profite, mais il y a un autre thème aussi qui est développé, alors qui était dans le jeu de rôle de base, qui est le cyber psychosis, qui est un concept qui est repris aussi dans le jeu, qui est cette notion, si tu t'équipes de trop d'équipement, tu finis par perdre la raison. Et dans le jeu de rôle, en fait, ça se retrouvait dans les systèmes, c'est-à-dire que t'avais, je crois, une stat d'humanité que tu perdais, et si elle était, alors je sais pas, est-ce qu'il y avait un jet de dés ou quoi, j'en sais rien, mais si tu perdais ton humanité, ton perso mourait, il devenait un PNJ. Et tu retrouves ça dans l'animé. Ce concept, comme j'ai dit, existe dans le jeu, tu as des quêtes annexes où tu peux tuer, enfin chasser des mecs, personnes comme ça, voilà, c'est des contrats. Ouais. Mais en ce qui te concerne, toi, dans le jeu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette notion. Ça aussi, c'est un des poncifs du cyberpunk, le côté transhumanisme, où est-ce que je deviens robot, est-ce que je garde mon humanité, machin. Alors que t'aurais pu avoir un mini-système, genre si t'abuses, t'as certains malus. Je peux penser à Prey, par exemple, où il y a ce côté avec les pouvoirs, sans trop en dire, mais si tu pioches trop dans les pouvoirs, le jeu te dit, attention, il y a des contreparties. Pour faire un parallèle avec un autre RPG, tu vois, dans Skyrim, quand tu choisis de devenir un vampire, par exemple, tu peux plus te balader le jour, certes, mais en plus, la plupart des PNJ refusent de te parler. Tu vois, c'est... Ça change rien, en fait. Du RPG. Il y a un petit peu, justement, c'est du RPG, quoi. Ce qu'on n'aura pas du tout, en fait, malheureusement, dans Cyberpunk 2077. Tout à fait. Justement, on peut peut-être avancer là-dessus, sur cette promesse un peu du RPG, qui en fait, et c'est ça qui est important de le dire aussi maintenant, c'est que c'est des promesses qui sont faites au début du jeu. On n'est pas sur la campagne marketing, etc. Et encore, je dirais aux gens que quand la campagne marketing coûte la moitié du développement d'un jeu, ce qu'elle nous raconte a aussi son importance dans l'expérience, comment le jeu l'est vécu. Mais là encore, c'est vraiment la backstory qui nous est présentée, qui en fait n'est pas exploitée, des choix qu'on pourrait avoir envie de faire ou de thématiques qui pourraient être explorées dans le cyberpunk, qui ne sont pas exploitées avec la grammaire du RPG, tu vois, que sont des choix de dialogue, etc., ce qu'on avait dans The Witcher 3. En fait, il n'y a vraiment pas tout ça. Ce qu'on retrouve, c'est des stats. Alors ça, oui, il y a un arbre de compétences qui est vaste. T'as plein de stats sur les armes aussi, les objets. Il y a un peu de gun porn par moment. T'as ça, mais surtout vraiment, t'as donc 5 stats particulières. Et à l'intérieur de ces stats, t'as au moins 2 ou 3 arbres différents. Il y en a de partout et c'est la fête au pourcentage. Je fais 2,3% quand je tire à 10 mètres d'un mec dans la tête. Donc ça t'adore. moi, ça, c'est le jeu vidéo que j'aime. C'est ça, ça me fait vibrer. Quand on met des pourcentages, moi, je me régale. Et là, vraiment, Cyberpunk donne et délivre là-dessus. Il y en a vraiment beaucoup. Mais en fait, je rigole, mais c'est que au-delà de tous ces pourcentages, il y a finalement très peu de compétences qui vont changer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, notre façon de jouer. Alors, il y a le double saut, et encore le double saut, je crois que ça, c'est une prothèse. C'est des jambes avec pense, des ressorts. C'est pas lié à une compétence. Faut la trouver. L'acheter, enfin bref. Et sinon, tout le reste, ça va impacter donc soit notre furtivité, soit nos combats, mais il n'y a pas de vraiment d'apport et pas de changement dans la manière d'aborder les situations. De toute façon, tu vas faire le même jeu, peu importe comment comment tu y joues. Oui. C'est ça, en fait, qu'il faut noter, et je pense qu'il est important. Et c'est un peu ça, la vraie grande désillusion, et que c'était ma grande désillusion pour moi, c'est que je m'attendais à ce que, après un The Witcher 3, qui est un RPG, et qu'ils fassent un jeu qui est basé sur un RPG, ils allaient faire... Un jeu d'action, un GTA-like. Et en fait, non, effectivement, ils ont fait un pseudo GTA-like pas très... qui va pas forcément chercher à aller beaucoup plus loin que ça, en fait, malheureusement. Et ça, c'était pour moi vraiment la grosse redescente, parce que je m'attendais justement à ce genre de choses-là. Et surtout, comme tu l'as dit, le début du jeu nous laisse penser qu'on va arriver là, parce qu'on choisit une origine. Ensuite, on a cette fameuse mission dans l'hôtel d'Arasaka, qui est, à mes yeux, la seule mission réussie de tout Cyberpunk 2077. T'as même celle d'avant, avec le robot Metal Gear, oui, là, oui, où qui tu est peux... un peu... Enfin, t'as c'est des ça. Choix où tu te dis, ah bah, attention, tu peux parler à cette personne en premier, ou tu peux choisir cette approche-là. Et, en fait, ce qui était terrifiant, c'est que c'était les seules missions qu'ils nous avaient montrées du jeu. Oui, tu voilà. vois. Et après, le jeu, il fait... Pendant 20 de heures, quoi des... Non. Y a... Enfin, il y a quelques petites... Il y a quand même des petites, parfois, soumissions dans quelques quêtes annexes, mais en fait, c'est extrêmement rare. Sinon, attends, le reste, c'est vraiment t'as la ligne droite. Vraiment le cas où, littéralement, tu as une porte, une caméra ou un mur que tu peux détruire. Et c'est genre, il y a une seule porte derrière, il y a une seule pièce, et c'est comment tu rentres dans la pièce que tu choisis. Enfin, c'est pas ça un choix, tu vois. C'est pas des changements de gameplay, quoi. C'est ça le truc, parce que techniquement, il y a des styles de gameplay proposés. Tu peux jouer plutôt hacking, plutôt action, par exemple, ou plutôt infiltration. Mais t'as les même arènes... la possibilité de jouer avec des katanas, oui, des oui, voilà. Ça, tu peux jouer un peu au corps. Dans le combat, effectivement, en fonction des armes que t'as, tu peux favoriser certains styles des trucs. C'est genre, si t'as un fusil mitrailleur et que tu viens de tuer, ça recharge très vite. Enfin voilà, t'as des styles de jeu un petit peu comme ça. Mais les arènes en soi, comme tu l'as dit, en fait, on va tous faire un peu la même chose. Ou ce sera, bah, sans dénigrer d'autres jeux, mais enfin, il y a un côté, c'est toi qui disais, Hugo, bah, c'est un peu, bah, c'est de l'infiltration à la Far Cry. Mm-hmm. En mode, bon, bah, t'as des gens qui font des rondes, ils sont à côté d'une grosse caisse jaune dans laquelle tu peux mettre le corps. Tu peux détourner leur attention avec une caméra, tu peux la détourner, tu peux hacker, faire un bruit de sifflement dans leur tête et passer derrière. Enfin, mais c'est, enfin moi j'ai pas trouvé ça intéressant du tout. Bah, en fait, pour moi c'est vraiment du niveau, ouais, c'est du niveau triple A, mais basique, tu vois. C'est-à-dire bon, on a des combats, soit t'as plus envie de faire ça, t'as plus envie d'utiliser tel ou tel style d'arme. Comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de systèmes sur les petites armes, les trucs qui rebondissent, machin. Ils avaient fait un peu de la pub dessus. Bon. Et ça, faut trouver comment le faire parce qu'en plus faut acheter une prothèse, machin. Ça reste relativement anecdotique. Ces armes un peu spéciales, expérimentales, tu les trouves relativement tard dans le jeu, donc au début t'es quand même avec des armes classiques. Et concrètement c'est ça, c'est que la routine vraiment ludique du jeu, bah elle est très basique quoi. C'est des gunfights, on est dans des arènes, les arènes sont bon bah voilà, elles sont pas, en fait il y a pas grand chose à dire, tu vois, les arènes elles sont ok, l'ennemi design il est très, je dirais qu'il est médiocre, mais dans le sens médiocre parce qu'il est moyen, c'est-à-dire qu'il y a rien de très surprenant dessus, alors qu'on, enfin je sais pas, on est dans du cyberpunk, tu pouvais m'en sortir des robots particuliers machin, avec des façons de les détruire, des points faibles, etc. La nana avec les lames qu'on avait vu dans le trailer, il y a rien qui se rapproche, même ne serait-ce qu'à 10 km de ce que c'était là, tu vois, de la promesse de ce truc là. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui d'un coup se mettent à avoir leurs bras qui s'ouvrent et qui nous attaquent avec des lames ou des trucs comme ça. Il y a pas un truc comme à la Horizon, tu sais, où tu pourrais avoir des différentes parties ou je sais pas, tu sais, créer du design avec des ennemis et tu dis c'est intéressant de les combattre. Non, parce que c'est toujours les mêmes gens, en fait, que tu combats. Parce que les lames, nous, on peut les avoir, mais bon, il y a un côté juste, bah, tu fais clic, clic, clic, et bon, tu donnes écoute. Enfin, non, mais il y a un côté action RPG où t'as juste le même set d'animation, et bah, c'est pas vraiment un build où il n'y a pas un intérêt particulier. D'ailleurs, alors, sans leur jeter la pierre, parce que c'est normal d'avoir. On l'a dit, le développement était compliqué, mais en plus, les lames, au début, ils montraient que tu pouvais grimper les murs escalader les murs. De toute façon, ils ont coupé. Oui, ils ont coupé plein de trucs. Ils pouvaient pas. Mais ça faisait partie du truc, en fait, où tu pouvais t'imaginer... On se posait un peu la question, genre, ils font un parti un peu immersive sim, c'est-à-dire différents choix en fonction des builds qu'on a. Et comme tu as dit, ça se résume juste à une porte ou une fenêtre que tu vas péter ou une porte que tu vas ouvrir de force. Mais en fait, tu n'as pas ce plaisir, du coup, d'un, je sais pas, par exemple, Deus Ex, où tu dis, j'ai pu passer par là seulement parce que j'avais investi dans le double saut ou parce que j'ai empilé des caisses ou parce que je peux porter les grosses caisses et ça m'a permis de monter sur une. Il y a pas ce soin, en fait, dans les arènes, ce qui, pour un open world... Ce qui est normal, en fait, c'est pas choquant. On s'est permis vite fait d'écroire et très vite, en fait, non, bon, ok, y a pas, ok, très bien. Et surtout, les premières missions, les 2-3 premières missions du jeu, te laissent quand même sous-entendre qu'ils auraient réussi à faire ça, parce que, ils te laissent quand même la possibilité de faire la même mission avec différents angles. Et ces choses, voilà, qu'on ne retrouvera pas du tout. Et voilà, on est sur un jeu qui est relativement... En fait, oui, c'est un open world, mais toutes les missions sont très linéaires. Tu suis le point jaune et tu vas tuer ce qu'il y a au bout du point jaune. Et puis voilà. Ça, c'est le combat sauce RPG. Oui, très bien. Il y a une autre petite composante dans ce jeu qui est la conduite. Et là, je pense que c'est... là, par contre, c'est, ils sont foncés dans le mur hein, directement. Bon, ils ne savent pas le faire. Pour moi, bah voilà, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on disait. C'est pour ça qu'on recontextualise aussi au début de la critique. C'est que... Bah, c'est pas rien de commencer. On s'improvise pas, mec qui fait Forza, tu vois. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et la conduite, elle est compliquée. Et quand tu la coupes, le système de police, qui est éclaté. Hein. Bah, c'est vraiment genre, j'ai l'impression qu'ils ont fait. Ils ont fait comment dans GTA ? Ouais, mettez des étoiles, ok. Mais après, sinon, on sait pas. Bah, mettez quand même, tu vois. Y a rien. La police qui disparaît, qui sait pas réagir. Y a pas de course-poursuite. Enfin, c'est là dans le jeu. Mais c'est pas vraiment là, en fait. Et moi, c'est vraiment là où j'ai commencé à faire... Bon, ça fait quand même ça faire beaucoup de promesses qui sont faites, en fait, par le jeu. Et je précise encore, c'est pas la com, hein, c'est le jeu. Quand tu mets un système d'étoiles et sur la minimap des petites zones... Et quand tu te fais poursuivre par des hélicos d'Arasaka et de machin, et que t'as une course-poursuite avec Jackie, tu t'attends à ce que la police et que les forces de l'ordre aient un semblant, tu vois, un truc d'importance. En fait, non. Non, c'est tout. Et déjà, alors, moi, je l'ai relancé, là, il y a genre 2 mois, j'avais montré un peu, il y a toujours, si tu roules trop vite dans la ville, il n'y a pas de circulation. En fait, ils ne chargent pas encore la circulation ou les piétons ou quoi, donc la ville est complètement vide. Ouais. Donc, bon, effectivement, ça pose un petit souci si tu veux faire des courses-poursuites. Et en fait, le jeu, factuellement, ne sait pas le faire. Il y a des courses de mission, des missions de course. Ouais. Et je crois que tu en fais 3 à 4, quelque chose comme ça. Et j'avais filmé, hein, mais moi, je faisais un 180 avec la caméra et je voyais les voitures derrière qui se prenaient complètement le décor. Et genre, 5 secondes après, elles sont juste derrière moi. Et je me dis, bah, attends, c'est pas possible, quelque chose. Et en fait, je pense que tous les, je sais pas, dès que tu mets 50 mètres entre toi et les voitures, il les respawn derrière toi. En fait, il les refait apparaître. Ouais. Elles se plantent à chaque fois, hein, parce que, en fait, factuellement, il ne sait pas faire des voitures qui font de la course dans la ville. Et du coup, le système de police ne peut pas marcher. Ouais, en fait, la police ne peut pas te poursuivre. C'est juste, du coup, des PNJ qui vont te tirer dessus. Toi, tu te barres en marchant en voiture. Bah, c'est bon, t'es tranquille, en fait. Et c'est ce que je disais un peu dans la vidéo de GND, c'est que ça, eux, ils le savent. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune mission, ou contrairement à un GTA où t'as plein de missions de course-poursuite, où à la fin, c'est quasiment la fin de chaque mission. Avec la police, parce que, bah, il y a un système qui est là pour marcher et pour être utilisé. Là, le jeu, il fait, ah non, on va pas utiliser ça, parce que, bah, les missions, sinon, ce serait encore plus une cata, ça tomberait encore plus à l'eau. Et, en fait, c'est un jeu qui sait qu'il ne sait pas faire certaines choses, mais elles sont quand même dans le jeu. Et c'est ça qui est assez surprenant, tu vois. Quand on y joue et qu'on a l'habitude, et je sais que c'est un argument d'autorité, donc c'est pas forcément le truc le plus intéressant à dire, mais c'est que, étant donné que j'ai quand même pas mal l'habitude de jouer à des jeux vidéo, tu sens le développement compliqué, et tu vois surtout qu'en fait, ils ont voulu faire des trucs, mais ils n'ont pas les capacités pour le faire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est super important de signaler, c'est que un studio, en tant qu'entité, va apprendre au fur et à mesure. Des compétences, ils vont développer etc. des compétences, ils vont créer des outils, ils vont apprendre à gérer des systèmes. Enfin, on parlait des studios qui sont capables comme ça de shift d'un oscille. On parlait éventuellement de Guerrilla qui a fait un open world avec Horizon après avoir fait pas mal de FPS. Ça a été très compliqué et ils ont été vraiment très timorés entre guillemets. Ils ont pas pris beaucoup de risques, ils ont fait un truc très Ubisoft etc. Ils ont mis 7 ans je crois et ils ont mis des années du jeu, ça reste du jeu, enfin tu vois il y a encore du tir etc. On est passé à la troisième personne, donc ils ont pas non plus complètement changé, et c'est des TCOS de fou, tu vois, et Guerrilla, c'est des TCOS de fou, parce que effectivement ils ont une expérience déjà que les gens en fait de chez ces projets non pas. Parce qu'en fait c'est un studio qui s'est beaucoup constitué autour de recrutement d'expatriés qui avaient envie de travailler chez CD Projekt après le succès de The Witcher 3. Ils ont été extrêmement attractifs, ils ont essayé d'attirer un max de devs du monde entier en les payant très grassement pour les faire venir sur place alors que les locaux étaient sous-payés. Mais et du coup, ben, ils se sont retrouvés à avoir grossir d'un coup et ne pas avoir le savoir-faire, parce que ça prend du temps. Le savoir-faire collectif, en fait, c'est que tu peux avoir tous les talents du monde, si tu ne sais pas les exploiter, les exploiter, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, manager tout ça et faire que tout ce beau monde va dans la même direction. Parce qu'un jeu, c'est un assemblage de tellement de petites briques, de mécaniques, de gameplay, de code, de machin. Enfin, de toute façon, tu vois bien que le jeu, il était tout pété, et même encore aujourd'hui, 2 ans après, avec les mises à jour, il y a toujours des trucs qui sont un peu clunky, tu vois. Il y a toujours des trucs où tu sens sens que c'est branlant et tu sens que c'est là, mais ça n'a pas vraiment d'impact et ça sert pas vraiment à grand chose dans le jeu en fait. Non, mais on l'a dit, tu peux avoir les talents qui sont là, par exemple, bon, bah, faire des voitures qui peuvent conduire dans la ville, bon, il y a une circulation de base, hein, mais ne serait-ce que des courses de voitures, je dis pas forcément qu'il n'y a pas les talents, mais la personne peut juste se dire, bah oui, mais en fait, la ville elle charge pas si tu roules trop vite, enfin, bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et en fait, parce que dès qu'on prend une micro-décision dans un jeu vidéo, il y a des dépendances complètement tarées, et a fortiori dans un jeu qui se veut être un open world aussi ambitieux que Cyberpunk 2077. Bah, et c'est peut-être ça la tragédie, c'est-à-dire que c'est un open world, oui, certes magnifique, Night City et tout, et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde retient du jeu, hein, quand on veut vraiment essayer de quand on en parle de manière positive, oui, Night City, c'était magnifique. Maintenant, si on se pose la question, ok, cet espace... quand on le juge de manière ludique, bah en fait il sert à rien, il est à peine fonctionnel quoi, parce que la circulation bah ça marche pas. Tu sais, c'est comme quand tu rentres dans les zones, les différentes factions et tout, c'est tout pété. C'est juste tu rentres dans la zone de Gugus, on commence à te tirer dessus, etc. Et puis tu pars. Enfin, il y a pas d'impact, tu vois, sur un choix. Tu peux pas rejoindre une faction, tu peux pas choisir de te mettre une faction à dos versus une autre. Alors que ça, il y a des jeux qui font ça depuis des décennies. J'étais à San Andreas, tu vois, gangs, etc. Il y a des choses. Mais même avant ça, enfin, je veux dire, tu vois. Des jeux qui faisaient ça, ça existe depuis très longtemps et c'est des systèmes qui n'ont pas pu mettre en place parce que tu sens que c'est un développement qui a vraiment piétiné à mettre les briques de base de leur gameplay et de passer à la première personne. Ça leur a pris déjà tellement de temps qu'ils n'ont pas eu le temps et c'est ce qu'on se disait, je crois, dans la préparation là juste avant de faire l'épisode, c'est que bah, contrairement à The Witcher où voilà, il y a eu 1, 2, 3 épisodes avant d'arriver à The Witcher 3, donc un savoir-faire qui s'est développé, là ils ont tout de suite voulu faire The Witcher 3 en fait sans avoir fait le Witcher. Ils ont voulu faire GTA 5 sans avoir fait GTA 1, 2, 3 et 4. Exactement, donc il n'y a pas eu cet apprentissage des systèmes, du prototypage. On arrive tout de suite à un produit qui est absolument énorme. Et oui, il y a plein de pièces qui sont branlantes, qui ne marchent pas parce que bah, il n'y a pas le savoir-faire qui était là. Et en fait, c'est même pas genre vous êtes nul, vous êtes fainéant, quoi que ça. C'est juste, il y a un manque de lucidité en fait. Et ça se sent dans le jeu. Bah, ils l'ont dit 1000 fois, leur modèle c'est Rockstar. Ouais. Rockstar n'a jamais fait ça. Mmh. En fait, ils ont toujours, tu vois, même avec Red Dead qui était le plus gros pas de côté, bon, il y a peut-être Bully, ok. Mais Red Dead, bah, c'est resté un open world, enfin, tu vois, et en termes de caméra, c'était pas non plus, enfin, c'était pas un jeu à la première personne ou quoi. Donc il y a eu un côté un peu étape par étape. Ouais, exactement, c'est un vrai pas de côté, mais là, pour un jeu comme ça, vraiment, c'est un projet trop fou pour lui-même. Et en fait, on peut apprécier des choses dans le jeu, mais en fait, quand on se place d'un point de vue critique et qu'on le compare au reste de la production, je suis désolé, mais il y a trop de retard à plein d'endroits, en fait. Bah tu me dis, on fait des gunfights, bah vous êtes en retard là-dessus. Les conduites, c'est même pas que vous êtes en retard, vous ne voyez même plus le peloton de tête. Enfin, il y a trop de retard à plein d'endroits et qui font que c'est un jeu qui est... Bah, moi je le dis, qui est assez médiocre en fait à plein de niveaux malheureusement quoi. Et ça c'est quelque chose qui est super important de signaler, c'est que c'est les gens qui ont fait The Witcher 3. Ouais. The Witcher 3, vraiment encore aujourd'hui, pour moi ça reste le maître étalon du RPG à l'occidental en open world, etc. Ils ont mis une grosse trempe à Skyrim qui avait déjà quelques années, hein, donc forcément ils ont remis le truc à niveau. Et là ils se sont dit, on va s'attaquer à GTA, mais... Ils n'ont pas les... Bah, ils n'avaient pas les épaules. Dents. En fait, ils ne sont pas fait les dents encore en faisant du sous-GTA pendant un petit moment. C'est et ça. Après dire, bah, ça y est, maintenant, on va boxer. Ils sont tout de suite rentrés dans une autre arène complètement différente. Ouais. Et il faut que tu apprennes à boxer. Quoi, et, enfin, je veux dire, on peut ressortir un peu la mythologie. C'est littéralement Icar. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bah oui, on va voler, on va se mettre un peu de cire sur le dos et on va aller se mettre des plumes et on va aller voler. Ils se sont rapprochés du soleil, qui était Rockstar, et ils se sont cramés les ailes. Quoi. Ouais. Ils se sont cassés la gueule. Après, quand même, je peux dire, voilà, je peux comprendre que des gens aient adoré le jeu. Il y a des trucs, tu en as dit. Ah, toujours. Ouais, non, mais parce que Night City peut te happer. Il y a quelques quêtes annexes qui méritent d'être mentionnées. Tu vois, t'avais je crois que c'est les Peralta, le nom. Enfin bref, le couple là de mère ou le détective, tu peux bien aimer. Ou t'as la quête annexe de t'en parler. Bon, alors la version sans les gods, mais avec Judy, le petit passage sous-marin et puis qui te raconte que voilà sa ville de mémoire. Hein, mais voilà, c'est les corpos qui ont submergé la ville, une histoire de barrage ou quoi. Donc il y a des petits éléments. Tu vois, il y a des petits trucs qui sont là, mais comme on l'a dit, si tu prends le jeu comme un tout et que bah t'as vu la com, enfin t'avais quand même des attentes, enfin le côté, c'est ce qu'il disait de toute façon, RPG au début c'est vraiment, t'as le background qui compte en avant, enfin il y a pas que des attentes qui viennent de la com, tu vois, le jeu il te montre quand même des choses, des choix, il se vend comme étant un RPG quoi. Vous le disiez, il y a la mission avec le robot ou l'hôtel et bon bah tu vois quasiment plus ça, enfin il y a plein de trucs qui tiennent pas quoi. Et puis même pour du FPS en open world, parce que ça existe déjà, moi je pense à Far Cry ou des choses comme ça, ou même GTA 5 ça joue aussi en FPS, enfin il y a des jeux qui font mieux que ça en fait et qui existent depuis, qui sont là depuis depuis presque 10 ans maintenant. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de CD Projekt non pas comme étant, tu vois, un échec, genre le jeu il est raté, il est cassé quoi. Non, non, c'est juste que par rapport à leurs ambitions, ils n'ont pas atteint le niveau qu'ils voulaient atteindre et ils en sont extrêmement loin. Oui, oui, et oui. Non seulement ils en sont loin du niveau qu'ils voulaient, mais surtout ils se sont pris un gros retour à la réalité à base de ben, c'est pas avec du blé et avec du recrutement de force que vous allez réussir à combler des années d'expérience que vous n'avez pas en fait. Et ça, je pense que ça a été le plus gros retour à la réalité et qui est en fait la vraie leçon que le studio doit tirer aujourd'hui de Cyberpunk 2077. En fait, c'est vrai pour tout le jeu vidéo, tu vois. C'est comme quand Amazon, ils ont voulu ouvrir leur gros studio, ouais. Ils ont fait venir plein de monde. En fait, ben, un jeu. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Il faut de l'XP derrière, il faut en faire un petit avant d'en faire un gigantesque. Ça se fait pas comme ça. GTA 5, on l'a expliqué, tu vois. C'est pas arrivé comme ça. Et là, cette année, le jeu le plus important, c'est évidemment Elden Ring. C'est 12 years in the making, quoi. C'est 10 ans, plus de 10 ans d'itération pour arriver à ce truc-là. Et en fait, c'est pour ça que c'est pas une surprise que Cyberpunk. Et c'est pour ça, quand on dit qu'au final, bah, c'est un triple A un peu ordinaire, un peu médiocre, oui, il y a des belles choses, oui, esthétiquement, en termes de charisme, ça, il restera toujours unique là-dessus parce que, bah, il n'y en a pas d'autres. Et ça, on l'a même dit, c'était déjà le cas avant qu'il sorte. Mais au-delà de ça, c'est difficile en fait de voir un jeu extraordinaire quand il y en a pas. Quoi. Il va pas laisser en fait sa trace comme The Witcher aurait pu la faire. Exactement. En fait. Et c'est ça en fait, c'est qu'on pouvait attendre CD Projekt en mode, ben vous avez réussi à marquer le truc, maintenant il faut transformer l'essai avec Cyberpunk et ils se sont complètement gaufrés. Mmh. Bah oui, Witcher 3 il est dans les tops de la décennie. Bah oui. Et il restera même dans les tops des jeux ever en fait pour plein de gens ça. Bah, bien sûr. Reste Et Cyberpunk bah au-delà de quelques coups de cœur en fait il sera même pas dans les tops de l'année, tu vois, et même, il y aura une Game of the Year, voilà, peut-être que ce sera formidable, peut-être que ce sera génial, je ne pense pas, peut-être que l'extension en soi sera bien. En général, alors ça, c'est un petit délire de marketeux, mais c'est juste pour vous donner l'astuce, les jeux qui se permettent de sortir une édition qui s'appelle Game of the Year, c'est juste en fait un nombre de ventes, c'est-à-dire que si vous avez vendu de entre 7 et 10 millions de ventes, vous pouvez en gros vous permettre de faire ça, mais ça ne veut pas dire que c'était le jeu de l'année. Bah déjà, en 2020, c'était une cata, donc voilà. En 2021, il y a d'autres choses qui s'étaient passées, enfin, c'était pas un jeu, on s'est dit, ouah, Cyberpunk. Bah, il n'a pas gagné de prix ou de choses comme ça. Bah, si, je crois qu'il a gagné bien plus de prix avant de sortir qu'après sa sortie. Mais c'est ça en fait, en se posant la question, et c'est ça aussi l'objectif de l'émission, c'est de prendre ce recul-là un petit peu sur les œuvres et se demander, bah voilà, elle est où sa place de ce jeu dans le paysage vidéoludique, n'est-ce pas ? Clairement, dans l'histoire de CD Projekt, ce sera un truc. Clairement, dans l'histoire de l'industrie, je pense qu'on pourra s'en souvenir. Mais après, vraiment, sur le côté créatif, culturel, par rapport à ce qui était annoncé, on en a parlé avant la sortie, et par rapport à ce qui reste aujourd'hui, 2 ans après, non, on peut pas dire. Enfin, encore une fois, Elden Ring, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois. On sait déjà que c'est en train de devenir que ce sera un classique et que dans 5 ans, on en parlera encore de ce truc qui s'est passé là en 2022 avec ce jeu. Cyberpunk 2077, non, tu vas pas me dire. Tu pourras dire, oui, on se souvient de Night City, et puis. Et c'est tout. Et voilà. Mais par contre. C'est pas grave. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment insister parce que bah, moi, je me suis pris des torrents de merde pendant des mois après avoir donné mon avis sur le jeu. Pour revenir un peu sur l'histoire, c'est que toi, déjà, t'es un des premiers à avoir. Tu es arrivé vraiment à la première salve de test et t'as été un des premiers retours assez négatifs, quand même, mitigé au moins sur le jeu, sa capacité à être un RPG et tout. Ouais. Et ça, bah, les gens. Ils n'étaient pas prêts à l'entendre. En fait, ils c'était complètement inaudible. Ouais. En fait, c'est-à-dire qu'au moment où le jeu sort, l'attente, elle est tellement élevée. Qu'on était dans du too big to fail. Enfin, on est vraiment face au Titanic, c'est-à-dire qu'on est face à un truc où tu te dis, bah, c'est pas possible qu'ils se prennent un iceberg et que Leonardo DiCaprio il meurt. Ouais. C'est pas possible. Et en fait, bah si, c'est littéralement ce qui s'est passé. Ouais. Et ouais, les gens étaient pas prêts. Les mais gens moi, étaient moi, déjà acquis à la cause. Mon deuil, je l'avais déjà consommé. C'est-à-dire que j'ai lancé le jeu au bout d'une heure, j'étais tombé de tellement haut. Enfin, c'était vraiment la déchéance horrible. J'ai passé de très très mauvaises heures sur ce jeu, malheureusement. Mais avec le recul et avec les années qu'on voit derrière, c'est ça qu'on voulait dire. Que ben, pour CD Projekt, c'est effectivement un échec, très clairement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à atteindre les ambitions qui s'étaient fixées. Donc ça, ben, quand on se fixe un objectif et qu'on n'y arrive pas, c'est un échec, tout simplement. Macron dirait ça n'a pas fonctionné. Ça s'appelle un échec. Ça n'a pas marché. Mais ça reste un échec. Et surtout, ben, ça les a forcés à revoir un petit peu leurs ambitions. Et c'est là-dessus qu'on voulait un petit peu terminer l'épisode, parce qu'on constate que depuis la sortie de Cyberpunk 2077, alors ils se sont mis en mode gestion de crise et reconquête un petit peu En termes d'image, forcément, ça c'est sûr qu'on n'est plus au Cyberpunk de 2017, CD Projekt, pardon, de 2017, qui était le messie polonais. C'était un peu l'ami du gamer, ouais, tu sais. Exactement. Là, on est passé pas, on n'est pas vers chez EA, peut-être pas à ce point-là, mais voilà, c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup en termes d'image, et c'est mérité, hein, parce que bon, il y avait quand même des choses qui étaient, il y a eu des manœuvres qui étaient, bah, qui étaient pas forcément clean, en fait, tout simplement, qui n'étaient pas pro-gamer, entre guillemets. Et puis, ouais, un changement de strat en termes de, voilà, avant, il y avait vraiment le modèle Rockstar, c'est-à-dire, bah, on va sortir un jeu tous les 4 ans, tous les 4-5 ans, et c'est tout, et on va tourner là-dessus. Là, apparemment, aux dernières justement conférences avec les investisseurs, ils ont plutôt projeté de « Ok, ben, on va reprendre The Witcher, il y a un remake du 1 qui arrive, on va refaire une nouvelle trilogie The Witcher, il y a un Cyberpunk 2077 ou je sais pas quoi, un 2 qui devrait sortir, et un autre projet qui est avancé en parallèle. » Donc, on sent que voilà, ils vont plus miser que sur un seul cheval à la fois. Mais il s'est passé tellement de choses. Vraiment, en interne, ça a été une hécatombe. C'est-à-dire qu'ils ont perdu quasiment tous les historiques des gens qui étaient là sur The Witcher 1, 2 et 3 et qui ont tous monté leur propre studio. C'est des gens qu'on voit aujourd'hui dans les news régulièrement avec Tencent qui va investir, etc. Ils ont tous monté leur propre studio. Marcin Iwinski, le cofondateur, est parti. Ça y est, il a pris sa retraite. Je pense qu'il en avait marre là d'être, d'être épuisé et de bosser H24, donc il vient de se barrer. On va être vraiment au début d'une nouvelle ère, en fait, pour CD Projekt, parce qu'ils vont devoir gérer tous ces recrutements, parce qu'il faut les nourrir, ces gens. La fin, il faut continuer, t'as une masse salariale, tu vois, qui est énorme. Ils ont des studios en Russie, ils ont des studios en Pologne. Les studios en Russie, ça a dû être très compliqué avec la guerre. Donc ils ont dû également revoir un petit peu leur fusil d'épaule de ce côté-là. Et surtout, ils se sont dit, bon bah, on va arrêter de tout miser sur un seul cheval, on va se diversifier. C'est vraiment ça, hein, le mot d'ordre de cette grosse annonce qu'ils ont fait récemment. On commande un The Witcher 1 remake par un studio qui n'est pas du tout nous, comme ça, ça nous fait un petit projet. Ça entretient la licence, ça remet la hype. Qui a eu la série en plus, donc voilà, exactement. Qui rentre un peu plus dans le mainstream. On relance une nouvelle trilogie en interne. Ils essayent de partir sur leur propre IP, le projet Hadar, dont on n'a encore aucune info, mais qui est vraiment un des trucs. Et également, ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas non plus lâcher Cyberpunk 2077. Mais rien n'est moins sûr. C'est-à-dire que vraiment, là, moi, à titre personnel, il y a le DLC qui va arriver et c'est tout. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un mode multi, il devait y avoir un deuxième DLC comme pour The Witcher 3, il n'y aura pas. Là, ils vont lâcher Cyberpunk 2077 et on n'en entendra pas parler avant peut-être 5-6 ans. Ce qui est probablement la meilleure décision parce qu'au début, il y avait un petit peu cette image de on lâche pas le jeu, il y a eu énormément de patchs qui sont sortis, bon, pour des trucs vraiment basiques, genre qu'ils soient jouables sur PS4, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'il y avait beaucoup cette croyance aussi auprès de beaucoup de gens qui étaient genre, vous allez voir, dans 6 mois, quand les patchs vont tout corriger. L'arc de la rédemption, il y a une grosse croyance qui est même encore là. Mais toujours là. Moi, j'ai fait le jeu un an et demi après, c'est à peu près au moment où la vidéo GND est sortie, il y avait des gens, c'était en mode, mais vous verrez quand il y aura les patchs. Et tu sais, t'as envie de dire, bah non, ils vont pas refaire la ville de A à Z. Donc, qu'ils sortent une extension avec. Déjà, en fait, on est plus de 2 ans après la sortie, la police, c'est toujours pas fait, tu vois. C'est vraiment le truc basique, mais parce que, on l'a dit, c'est pas possible. L'extension, peut-être qu'elle sera bien, mais effectivement, c'est probablement la meilleure idée, ou d'ailleurs la seule l'idée d'abandonner le truc, de se dire bah tant pis, on va le laisser un peu cassé, un peu machin, la ville sera pas parfaite, les arènes vont pas être complètement pensées en fonction de nos builds et nos stats parce qu'il faudrait tout reprendre, et du coup est-ce que ça arrivera dans un 2 ou pas, voilà, on verra, mais tu fais ton extension, tu dis au revoir le jeu et on passe à autre chose quoi. Ouais, ils avaient pas trop le choix de toute façon. Bah, c'est-à-dire qu'ils étaient au début dans la gestion de crise, ils pouvaient pas se permettre de lâcher les gens parce qu'ils venaient de vendre des jeux, ils allaient se retrouver avec je sais pas combien de procès au cul s'ils lâchaient le jeu et qu'ils le laissaient tel quel. Donc ils ont évidemment fait le boulot nécessaire pour le remettre à peu près à niveau, c'est-à-dire juste au niveau à peu près standard qu'on peut s'attendre d'un jeu, mais pas plus. Et après, ben oui, de toute façon, ils peuvent le lâcher. Faut bien comprendre que quand on a mis autant de briques, on peut pas aller revoir les briques d'en dessous. Pensez une tour de jeu vidéo comme une tour de Jenga, à force de poser les trucs sur les autres, vous enlevez une petite brique de tout en bas, il y a tout qui se casse la gueule. On peut pas changer. C'est plus possible, mais c'est ça qui est agaçant quand moi je vois des histoires de rédemption, de machin. Vous allez voir les patchs, il y a une méconnaissance en fait du système derrière. Tu te dis, mais en fait, vous comprenez pas que ce n'est pas possible en fait, que les fondations ne peuvent pas le tenir quoi qu'il arrive quoi. Et ils le savent, ils en sont parfaitement conscients. Sinon, si ça avait été les choses qui avaient été vraiment corrigeables, elles ont été corrigées, et ce qui n'est pas corrigeable ne sera pas corrigé. Le jeu restera dans l'état. On n'aura pas de enhanced edition de Cyberpunk 2077. Je pensais qu'il y aurait un truc comme ça, je l'avais annoncé dans mon test à l'époque. Je m'étais dit, ils vont peut-être faire ça, mais non, parce qu'ils ont perdu déjà beaucoup trop de monde en interne, et ils ont plus les compétences pour pouvoir le faire, et donc ils vont effectivement abandonner, entre guillemets, le jeu et passer à autre chose. Ils veulent tourner la page en se sortant, on va dire, le cul le moins sale possible. C'est-à-dire qu'ils ont réussi avec Netflix à vraiment sauver les meubles. Netflix les a sauvés là-dessus. Bah déjà, The Witcher, et puis il y a eu maintenant Cyberpunk, qui a remis un gros coup, tu vois, chez les gens qui se disent ah oui tiens, je vais découvrir le jeu il a jamais aussi bien fonctionné que depuis cette série, donc merci à eux, mais ils peuvent plus quoi, enfin je sais pas, pour essayer de, c'est ça comme tu dis, c'est qu'il y a un côté frustrant de gens qui se disent que les patchs vont corriger quelque chose, et moi je le dis régulièrement, enfin tu vois, mon épitaphe ça sera, les bugs n'ont jamais été le problème de Cyberpunk 2077, le fait qu'ils soient buggés, c'est normal, c'est un open world. L'anecdote que j'avais racontée à Max et Hugo, c'est que quand moi j'ai testé The Witcher 3 chez GameCult à l'époque, la version PS4 elle était buggée du cul de ouf, et on avait été prévenu, et on avait joué sur une console debug, donc les espèces de gros blocs chelous là que vous voyez de temps en temps dans des vidéos, on m'avait envoyé ça chez moi, et j'avais joué là-dessus, et le jeu il était cassé de ouf, et je lui ai quand même mis 9 sur 10, parce que le jeu était incroyable, mais les bugs ne rentraient pas en ligne de compte. Donc là, Cyberpunk, ben non, il y a des problèmes beaucoup plus fondamentaux, tu vois, c'est, je sais pas, t'as raté ton plat, c'est pas en rajoutant du sel ou du ketchup que tu vas le rendre moins dégueulasse. T'as cramé les oignons à la base, c'est flingué. C'est niqué, voilà, c'est exactement. Comme ça. Et ils ont cramé les oignons, voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on voulait dire sur Cyberpunk 2077. Bienvenue aux gens dans le Discord aussi, je vous salue bien. Merci de nous soutenir sur Patreon si vous le pouvez. Merci également à PlayStation Plus. Si vous voulez en fait profiter des meilleures heures de Cyberpunk 2077, vous pouvez aller sur le PlayStation Plus Premium. C'est triste à dire, mais c'est littéralement vraiment, ça. Vraiment, les premières heures, elles sont cool. Il y a vraiment de belles choses sur ces premières heures, et si le jeu avait maintenu ce cap-là, on n'aurait pas fait la même émission. Donc voilà, merci à PlayStation de sponsoriser cette émission. On se retrouve pas dans deux semaines, on va prendre au moins un break d'une semaine. Il y a les fêtes de fin d'année, tout ça. Voilà, évidemment qu'on puisse aussi souffler un petit coup, et puis on se retrouve. De quoi on parle? C'est quoi le prochain jeu? Je l'ai plus en tête. La Blacklist. Ah, c'est Seigneur des Anneaux. Et oui, c'est direct le Seigneur des Anneaux. Et ben voilà, on continue dans la grosse pop culture. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Ciao. Cyber ciao. I miss you all the time. So get away. So what do you want?